Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 34. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent, sur democratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative, pas d'accent sur démocratie, bien sûr, @protonmail.com. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous inscrire sur notre forum, le forum EELB.SU, Europe Écologie Les Brins, qui attire le mécontentement du Parlement français d'ailleurs. Aux dernières nouvelles, nous avons des députés français qui se plaignent de La République En Marche, du fait que des gens s'expriment librement sur un espace qui leur est réservé, et qui est donc Europe Écologie Les Brins. C'est fort dommage, mais bon... J'avais plutôt tendance à penser que c'était une contribution positive à la vie démocratique française, mais tel n'est pas le cas. Enfin, vous pouvez nous suivre sur gab.com, réseau social qui n'est pas soumis à la censure. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire et à nous y suivre. Je vais commencer maintenant par la présentation des membres avant de parler des dons que nous avons reçus. Sans transition aucune, je vais commencer avec Poporovic, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour cette rentrée. Hein. On peut dire que c'est l'émission de la rentrée, hein. Avec un tout petit peu de retard, mais c'est quand même ça. Comment vas-tu, Poro? Shalom, shalom alaikum à tous. Je vais très bien. Et puis, surtout, n'oubliez pas, ces gens-là méritent notre haine. Alors, on va essayer de savoir de quels gens tu parles dans l'émission, cher Poporovic. Est avec nous aussi cette semaine Fulbert, comme d'habitude. J'espère que tu vas bien, Fulbert, en cette mi-septembre. Je ne sais pas quel temps il fait par chez toi, s'il fait beau, s'il fait frais, comment ça se passe? Ah ben, bonjour Gandalf, bonjour à tous. Ben, il fait beau, il fait un peu frais, mais dans le bon sens du terme, bonne petite fraîcheur qui n'est pas trop fraîche. Non, c'est impeccable. Impeccable, parfait. Est aussi avec nous Diabolix. J'espère que tu vas bien, Diabolix. Toujours bien. Je fête dans la joie, le bonheur et la négresse le décès de la baronne Coremans, plus connue sous le nom d'Annie Cordy, qui avait des paroles de chansons adaptées au niveau intellectuel du Belge moyen. C'est très intéressant à apprendre. Tata yo-yo. Elle était baronne? Ah oui, on l'a anoblie, si mes souvenirs sont bons, Fulbert pourra m'arrêter si je me trompe, ça devait être Baudouin qui l'a anoblie. Ah oui, ça remonte, hein, mais je ne serai pas confirmé. Très bien, j'ai appris. Dieu donné Mbalambala doit être aux anges. Écoute, j'ai au moins appris quelque chose. Et enfin est avec nous le cardinal de l'église de négrolatrie, église confession dont l'ascension fulgurante a stupéfié les masses depuis ces derniers mois. Beaucoup de nos auditeurs qui écoutaient ça d'une oreille distraite ont découvert que c'était sérieux. Alors, cher cardinal, d'abord merci d'être avec nous. Vous allez procéder à l'exégèse hebdomadaire des faits qui nous sont soumis par l'actualité. J'espère que vous allez bien. Oui, mais bonjour Gandalf, bonjour, bonjour à tous, hein. Ça va très bien cette semaine. Alors j'ai fait un petit peu des infidélités à mon église de Négro-Latrie pour me pencher sur des danses particulières, des danses israéliennes, Ah. ce mois de septembre. Ouais. Si vous connaissez pas, vous pouvez taper dans Google Dancing Israelis, vous aurez Ah, tout ce je qu'il vous connais. faut sur ces danses israéliennes qui sont voilà, vraiment. De septembre, hein, qui sont de saison, Ah, on va dire. les danses de début septembre, c'est quelque chose hein, dont on ne se lasse jamais. Tout à fait, c'est très important de le souligner. Avant de commencer cette émission, messieurs, bon, nous avons eu des problèmes techniques, hein, pendant ces 2 dernières semaines. On a réussi quand même à y faire face progressivement. Vous avez remarqué que nous avons reçu toute l'attention des médias. Libération a fait un nouvel article très très très virulent contre nous. On a aussi eu BFM TV, hein, bien sûr. Donc les médias, hein, enfin les médias de Monsieur Drahi que l'on ne présente plus. Donc j'ai dit que le Parlement français aussi vociférait assez bruyamment contre nous. Enfin, toute une série de personnes comme ça qui nous souhaitent Le CRIF, la LICRA et le bien CRIF, la d'autres LICRA, joyeux voilà. lurons. Donc, Ouais. les Juifs qui dirigent la France. Donc, alors, donc nous sommes revenus et je tenais donc à remercier les mécènes qui nous ont fait des dons qu'on n'a pas pu remercier en temps et en heure, parce que c'est grâce à eux que l'on peut faire chier les Juifs. Et oui, sans nos mécènes, on ne pourrait pas faire chier les Juifs, c'est très simple. Donc je tenais à les remercier, nous avons eu beaucoup de dons, hein, je dois le dire. Nous avons aussi des gens qui ne nous écrivent pas, mais qui nous envoient des dons. Alors, premier don, bonjour, je vous ai envoyé 10 Monero. Alors ça, c'est un gros donateur, c'est JL. On a comme ça des gros donateurs qui soudainement nous font un don très important. Je pense que c'est d'ailleurs consécutif au déchaînement médiatique récent. Alors, je vous ai envoyé 10 Monero en soutien moral et financier pour votre combat. Vous savez garder votre humour, même si la situation est dramatique, ce qui vous différencie aussi des gauchistes qui ne sont que volonté de destruction. Rien d'étonnant, vous êtes la vie et ils sont la mort. C'est exact. Hitler a été persécuté et a fini carbonisé comme Jeanne d'Arc. Il sera réhabilité comme elle, c'est une certitude. En attendant, merci d'entretenir la flamme. Merci à JL pour ce don conséquent. Ça nous touche beaucoup. Et puis ça nous permet de continuer, plus prosaïquement. Deuxième don. Bonjour à toute l'équipe. Je viens de vous envoyer un don d'environ 25 euros pour pallier aux soucis techniques que DP rencontre cette semaine bien amicalement. Et c'est Jean. Merci à Jean d'être aussi réactif. Nos auditeurs le connaissent, on le cite souvent en début d'émission. Don numéro 3, bonsoir. Pouvez-vous me confirmer la bonne réception de mon don de 0,6 Monero, s'il vous plaît? Alors, ça sera fait. Hein, et c'est Fliblarien qui nous fait ce don. Donc, je dis que ce sera confirmé hein, dès qu'on pourra le faire. Et merci à ces donateurs. Don numéro 4, bonjour. Je vous notifie simplement d'un don de 0,12 Monero, c'est-à-dire 10 dollars, sur votre portefeuille, en vous remerciant au passage pour tout le travail que vous faites. Courage et salut à la victoire. Et c'est Cote M. Merci à toi, Cote M. Don numéro 5, bonjour à toute l'équipe de démocratie participative. J'arrondis mes comptes en vous faisant ce don de 0,3 Monero pour soutenir l'effort de réinformation quotidien dont vous faites preuve. J'aimerais également féliciter chaleureusement le cardinal d'Éric pour le développement de l'archevêché de Négrolatrie de Poitiers, qui ne s'est jamais aussi bien porté. Vive Jeanne d'Arc, cordialement, et c'est signé un démocrate. Cher d'Éric, Merci, cher démocrate. ah, écoute, ton église a l'air de prospérer Ah, à bah Poitiers. oui. Bon, Poitiers, Jeanne d'Arc, tout ça se tient, hein, tout ça se tient. Don numéro 6, chers démocrates participatifs, c'est avec joie que je vous adresse ma contribution trimestrielle de 1 Monero en soutien à votre excellente action. Si je peux me permettre, j'ai candidaté à la promotion membre confirmé. Alors, il donne le pseudo, alors ça, on va y veiller. Alors, les confirmations de membres ne se font pas, en fait, à chaque fois qu'une demande se fait, c'est plutôt par espace de 2-3 mois, le temps qu'une série de personnes s'additionne et qu'on puisse faire ça, comment dirais-je, par fournée, si vous me permettez l'expression. Donc, ça sera fait, hein, bien sûr. Dans tous les cas, merci et continuez. Alors, je ne peux pas donner le pseudonyme pour des raisons de discrétion, mais il y a le mot juif. Voilà. Alors, don numéro 7. Chers camarades participatifs, ce n'est pas sans une certaine émotion que je vous fais parvenir mes premiers shekels sous la forme de 0,99 monero. Puisse-t-il contribuer efficacement à l'effort de guerre contre l'abominable outrerie mondiale et pour l'établissement de la révolution prolétarienne. Je tiens à vous adresser des félicitations particulières pour l'émission Le Devoir de mémoire sélective, qui fut à mon sens aussi agréable qu'utile. Au vu des commentaires sur EELB, cet avis est largement partagé au sein de la troupe participative. Je me réjouis chaque jour davantage de constater qu'un nombre appréciable de nos contemporains valide les propos du héros Vincent Renoir quand il présente le national-socialisme comme une solution très actuelle. En effet, quand on constate les crimes révoltants de ces sales youpins, et ce de manière quotidienne, on ne peut que conclure que cette saine doctrine a encore plus de sens aujourd'hui qu'il y a un siècle. Aussi, proclamons joyeusement Adolf Hitler, je partage tes aspirations et je plébiscite ton projet. Il nous manque tellement. Salutations amicales et national-socialistes à tout l'état-major participatif, c'est Kyle. Et c'est le général Rollmops qui nous fait ce don et qu'on remercie beaucoup. Et puis on fait un petit coucou quand même à Vincent Renoir qui se bat aussi de son côté. Là. Il a adressé un message assez musclé au CRIF, c'était assez revigorant. Enfin, pas le dernier don, vous allez comprendre pourquoi, mais don numéro 8. Merci de votre réponse et de m'avoir lu à l'antenne, donc c'était un message précédent. Je viens de faire un nouveau don de 1,4 monero. Je ne tiens pas à être lu à l'antenne de nouveau, donc il n'y a pas de message à nous livrer. Mais j'aurais une question qui pourrait peut-être montrer aux auditeurs à quel point cet argent est mérité. Combien de temps vous passez par semaine pour réaliser votre travail de réinformation et c'est signé fantôme? Alors, on compte pas, c'est 7 jours sur 7. Ça varie, parce qu'il faut monter les émissions, on les enregistre bien sûr, mais l'enregistrement finalement est la partie la plus courte. Ensuite, il y a l'animation du site, du forum, etc. Bon, 7 jours sur 7, comptez au minimum 12 heures par jour. Voilà. C'est pareil, c'est pas très loin de la vérité, en gros, voilà. Alors, maintenant, passons à la rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Et ce courrier commence par un don. C'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit précédemment. Salutations, je vous livre ici un don d'environ 1,5 monero. Je vous copie mon deuxième témoignage. Petite notion, précision, c'est pas nécessaire pour nos auditeurs. Alors donc on remercie notre donateur pour ce don et je vous lis son courrier. Alors, salut à tous, Zigael, cher démocrate participatif. Merci pour ces divines surprises sans cesse renouvelées que sont vos émissions et votre site. Je vous livre ici donc un don, ça j'en ai parlé. Et alors maintenant on en vient à l'essentiel. Ayant vécu 10 longues années en Île-de-France, j'aimerais vous partager, si vous me le permettez, la suite de mon premier témoignage. Alors, vous avez déjà écrit. Alors une première tranche de vie, donc ça c'est du vécu en vrac, mais j'ai trouvé ça intéressant, somme toute, puisque c'est... C'est une espèce d'instantané qui valent la peine, puisque beaucoup de gens les vivent au quotidien. J'emménage en colocation dans une banlieue musulmane pourrie. Il est difficile de se loger rapidement en Île-de-France et sur le moment, je n'ai pas vraiment de choix. Quelques temps plus tard, une jeune femme blanche m'y rejoint. J'avais mis un bouquin de philosophie générale dans les chiottes et à chaque fois que j'allais y déposer un colis, ma nouvelle colocataire avait laissé le livre ouvert au chapitre Islam. J'ai immédiatement compris avec quel succube de l'enfer j'allais devoir cohabiter. Quelques semaines seulement après son arrivée, ma chère gauchiste ramena un petit ami nègre musulman pour se faire bourriquer à domicile. Dieu merci, je n'ai jamais entendu le bruit du coït. Un jour, la grognasse féministe, particulièrement soumise à son nègre, eut la brillante idée de lui faire bouffer à 5h du matin pour qu'il ait son chocolat au lait et ses petites tartines grillées avant de partir travailler. Bon, il travaillait, ce nègre. Le problème, c'est que la soucoube, n'ayant jamais touché une casserole de sa vie, elle foutait un bordel pas possible et me réveillait systématiquement. Un matin, je n'en puis plus. Je bondis de mon lit à moitié à poil, me rue dans le couloir et dis à la grognasse qu'elle va devoir arrêter la cuisine nocturne, que ce n'est pas normal de faire du bruit à cette heure-là. Sur ce, et au lieu de s'excuser, elle marque un petit silence et me répond d'un ton provocateur « Et c'est quoi la normalité ?» Oh putain, ça s'invente pas. Ah, ça s'invente pas. Désarçonné face à ce niveau d'autisme blessant, j'en perds mes mots et ne sais pas quoi lui répondre. Je fais tous les efforts du monde pour ne pas balancer cet taré et son nègre par la fenêtre. Je repense à mes journées de plus de 10 heures de travail, incluant mes 2h30 de RER infernal. Je repense à tout ce sommeil qu'il me manque déjà. Soudain, le nègre en question surgit de sa chambre et dit texto à sa pute blanche « Vas-y, va te coucher !» La pute féministe s'exécute sans broncher. Visiblement déçu que le nègre ne m'ait pas mordu, ce dernier s'excuse alors en me demandant si je n'étais pas un flic, puis il disparaît dans les ténèbres de la chambre. Je n'ai plus jamais été réveillé par la suite. Ce qui m'a le plus surpris dans cette histoire, c'est qu'une féministe qui cuisine me parle d'un nègre qui se lèverait pour aller travailler. Je me questionne toujours à propos de ce concept intrigant. Dernière tranche de vie, à présent, c'est la gare du Noir. Alors, on peut-être s'arrêter sur cette première anecdote quand même, je sais, piquant. Ça résume le comportement systématique de ces pétasses-là. Hein. Soumission totale au nègre qui a juste une phrase à dire pour qu'elle s'exécute comme un clébard. Hein. Et arrogance et insolence incroyable dans toutes les situations vis-à-vis de gens qui exigent, enfin d'hommes, qui exigent simplement le respect le plus minimal. Oui, le plus élémentaire. De vie en commun, je veux dire, puisque c'est une colocation. Mais oui, la logique élémentaire n'est pas accessible à ce genre de pétasse. C'est-à-dire que elles ont quelque chose qui est digne d'intérêt. C'est le nègre. Et avant le nègre, vous avez remarqué que elle était intéressée par la religion de l'homme marron, hein, c'est-à-dire l'islam. Hein, c'est quand même bon. J'ai un bouquin de philosophie dans les chiottes. Chaque fois, c'était la page d'islam qui était ouverte, donc c'est elle avait prémédité son crime, si je puis dire. Hein. Il y a du vice. Hein. Ça n'arrive pas par hasard. Conversion donc par l'Afrique. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc ces pétasses-là sont en guerre contre ce qui existe et ce qui j'espère après continuera d'exister en France, hein, c'est-à-dire nous, des blancs avec un mode de vie particulier, et donc elle a trouvé que ça n'était pas bien, et donc le premier truc exotique qui arrive, on se raccroche à ça, et toi bien entendu quand tu viens là réclamer la simple politesse élémentaire, tu... Oui, on te la refuse assez nettement. Hein. Oui, c'est-à-dire que tu es un barbare pour elle. Donc, bon, alors que non, c'est elle qui est barbare. Hein, c'est elle qui tombe dans la barbarie la plus crasse, un peu, bon, crasse, le qualificatif est bien trouvé, parce qu'en l'occurrence, elle est tombée sur un nègre. Oui, c'est une crasseuse. Voilà. C'est une crasseuse, c'est une crasseuse. Difficile quand même, hein, comme environnement. Beaucoup de courage hein, de la part de notre auditeur. Quelqu'un d'autre sur cette anecdote comment Oui. Dire ouais, vas-y. Ouais. Pour... Bah, on remarque que finalement, elles sont un petit peu à l'image de la République, hein, c'est féministe, hein, c'est-à-dire que dur avec les faibles et douce avec les forts. Hein. Devant le nègre, elle s'écrase. Bah oui, parce que le nègre, il peut très vite monter dans les tours, il en collait une. Et devant le blanc, elle est agressive, parce qu'elle suppose, elle présuppose que le type va prendre sur lui ou est un bêta-cuck qui de toute façon n'aura jamais l'agressivité de lui répondre. Et ce n'est que ça. Hein, c'est excusez-moi, mais si elles rabaignent leur gueule, c'est uniquement parce qu'elles se sentent, protégées ou pas menacées. Mais collez-leur une bonne dans la gueule et ça va très vite, très très vite leur passer. Alors je ne sais pas si ça leur passera très vite. Il y a l'expression qu'elle utilise, hein, c'est quoi la normalité? C'est le relativisme absolu pour outrepasser toutes les conventions les plus élémentaires. Hein. Ça c'est fort, c'est intéressant comme réflexion. C'est de l'oppression patriarcale la normalité. Oui, non, mais c'est ça, c'est ouais, c'est quoi la normalité? Enfin, je veux dire, c'est la base de la vie en commun. Je veux dire, si... Alors non, la normalité, c'est de faire à bouffer à son nègre Oui, à 5 h du qui va matin. travailler avec des grosses guillemets à 5 h du mat et puis lui obéir dès qu'il lui gueule dessus. Ça, c'est la normalité parce que le nègre, voyez-vous, est un être de lumière. C'est Non, mais un charbon incandescent. là, y a une contradiction intéressante, je veux dire. Voilà quelqu'un qui, visiblement, hein, s'intéresse à l'islam, qui est la religion la plus patriarcale d'entre toutes. Je veux dire, c'est une religion bâtie sur vraiment la primauté de l'homme sur la femme. Ce n'est pas du tout discutable. Ce n'est pas la seule religion, mais bien, dans l'islam, c'est vraiment prévalent, je veux dire. Donc c'est une gonzesse qui s'intéresse à ça. Donc avec des gens comme ça, on peut dire déjà que le féminisme, quelle est la profondeur du féminisme chez une personne comme ça, à mon avis, n'est pas très prononcée en réalité. Mais en fait, elle est féministe, mais ça dépend avec qui. Donc le féminisme, en fait, ça sert toujours en fait à abuser de vous, en gros. C'est-à-dire que c'est abuser des gogos, des gens qui vont se laisser faire, voilà, avec des arguments à la con, alors qu'en réalité elles n'ont pas du tout d'intérêt pour le féminisme comme théorie appliquée systématiquement. Et quand elles tombent sur des mecs qui sont un peu durs, parce que je présume que le nègre en question, effectivement, n'était pas un très grand intellectuel, visiblement, il n'avait pas envie de se retrouver dans des embrouilles à cause de cette pouffe. Donc, il avait l'air de la tenir assez solidement. Et elle n'a aucun problème avec ça. Il dit, voilà, j'ai plus jamais été emmerdé à 5 h du matin avec cette poufiasse. Donc on voit qu'en réalité, il n'y a pas d'adhésion profonde en fait au féminisme. Voilà, il n'y a pas d'adhésion dogmatique au féminisme. C'est juste une arnaque pour rouler dans la farine les mâles blancs systématiquement. Voilà, en jouant sur une fibre dont elle pense que ça peut fonctionner à chaque coup ou, on sait pas à chaque coup, c'est 9 fois sur 10. Et voilà. Donc c'est vraiment abuser de la générosité de l'homme blanc. Voilà, c'est ça le C'est but. un alibi. C'est un C'est un alibi. alibi. Un alibi prétend. Enfin, parce que le féminisme est considéré par à peu près tout le monde qui n'est pas. Enfin, par les normies, on va dire. Hein. Le terme est peut-être. Bon, je n'ai pas le terme français. Par les gens lambda, le féminisme est considéré comme quelque chose de bien. C'est valorisant. C'est par cette voie-là que la société va progresser, etc., etc. Donc, quand tu te définis comme féministe, déjà, tu fais partie du camp du bien. Tu te prémunis de ça, tu fais le bien, mais comme on l'a dit, c'est une excuse au dévoiement. C'est-à-dire elle se dit féministe parce qu'elle a envie de se faire bourriquer par des nègres musulmans ou des Pakistanais. Enfin, ça aurait pu être le truc le plus sauvage qui soit et le plus sale. Hein. Ça n'est qu'une excuse. Hein. Ce n'est qu'une excuse à ça pour se complaire, pour se rouler dans le lait. Oui. Diolix, vous voulez prendre la Ce parole qui aussi? m'amuse, ce qui m'amuse énormément, c'est que les élections de Trump en novembre, que ce soit pile ou face, de toute manière, les États-Unis partent vers la guerre civile. Et si les États-Unis partent vers la guerre civile, il est très clair qu'en Europe, ce genre d'aimable charogne aura très exactement, au même titre que les grands génies politiciens français qui nous en veulent, ils auront très exactement le droit de se faire petit. Mais quand je dis petit, c'est insignifiant. Oui, enfin, je pense que tu vas un petit peu vite. C'est pas Mais ça, la mais population quand... française, l'état des Français. Je pense pas que les gens soient prêts à ça. Hein. En tout cas, J'aime pas. autant te dire que les choses commencent à tourner à la vitesse d'un cyclone. Oui, mais les putes font ce qu'elles font et les gens qui trouvent que les putes font les putes et que c'est très bien, sont encore beaucoup trop nombreux pour qu'il y ait quelque chose qui boule, en tout cas en France. Hein. Aux États-Unis, peut-être c'est différent, Ah, en France, c'est assez clair que, à part les musulmans, personne n'a envie de souquer les femmes. Hein. Ah non, personne. Hein. Voilà, les musulmans là-dessus, je crois que dans l'émission, on l'a dit à plusieurs reprises par le passé, au fil des ans. Je ne sais pas d'ailleurs si tous les membres de l'émission partagent ce point de vue, mais les musulmans ont raison sur la question des femmes. Alors, la méthodologie qu'ils emploient, etc., les tenues vestimentaires, ça, c'est une autre discussion. Mais le diagnostic qu'ils ont posé sur les femmes est tout à fait juste. Hein. Voilà, quand vous laissez la liberté aux femmes, donc la liberté totale, l'égalité, enfin le mythe de l'égalité, votre société est pulvérisée très très rapidement. Hein. Napoléon disait ça, je veux dire Napoléon Bonaparte, tous les grands intellectuels, les grands philosophes, les grands artistes, les grands hommes d'État à travers l'histoire ont toujours dressé, je veux dire le même constat sur le rôle des femmes et le rôle néfaste des femmes dans les affaires de l'État, par exemple. Et aujourd'hui, ce qui nous paraît comme une évidence ne le sera plus très longtemps, à mon sens. Mais non, ce ne sera pas sans passer par quelques avanies, d'ailleurs. Mais actuellement, je veux dire, le féminisme est un dogme totalement partagé par l'immense majorité des gens. Enfin, voilà, enfin, ça me fait marrer, on parle constamment de patriarcat, alors que de fait, la France est un matriarcat. Donc, je veux dire, le pouvoir aujourd'hui appartient aux femmes, plus du tout aux hommes. C'est très clair. Donc. Alors, en tout cas, messieurs, le témoignage se poursuit. Alors, voici ce qu'il nous dit. Alors, ça se passe dans un lieu très différent, c'est dans la gare du Nord, donc la gare du Noir, comme elle est surnommée. Voici ce qu'il nous raconte. Obligé de passer chaque jour devant l'innommable gare du Nord à cause du travail, mon œil esthète est sans cesse agressé par l'art juif qui trône à l'extérieur. Une espèce de statue rouge ailée qui ressemble à un démon et une maison volontairement construite de travers. Ce jour-là, je m'arrête à côté de ces œuvres dantesques qui parfois surgissent dans mes cauchemars, puis j'observe les alentours. Une cour des miracles peuplée de nègres puants et difformes, ainsi que d'immondes sémites au regard haineux. Le sol est parsemé de détritus, et la chaleur est étouffante, rendant les odeurs de sueur et surtout de pisse particulièrement agressives pour le sens olfactif. Alors c'est à ça que ressemble l'enfer? Dans cet endroit abandonné par la grâce, tout à coup je croise son regard, ses yeux, sont marrons mais légèrement clairs, ils tirent vers le vert européen. C'est une gamine rome assise à même le sol, tendant sa main aux passants forcés à la mendicité par ses parents. Dans ce cloaque racial infernal, c'est elle qui est la plus blanche des créatures qui déambulent autour de moi. Dans la France juive de la gare du Nord, le haut du panier racial est une des filles de ce colossal peuple de merde que sont les Roms, virés du cloaque indien par des bougnoules qui les trouvaient trop sales. Voici l'unique œuvre de cette créature emplie de haine et de jalousie qu'est le juif éternel. Détruire les peuples civilisateurs, transformer leur civilisation florissante en antichambre de l'enfer. Imaginez un instant quelle aurait été la réaction des goyes de l'Alliance, donc des alliés, s'ils avaient pu voir ce que feraient les juifs de leur pays respectif 80 ans plus tard, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Imaginez la réaction des militaires français de 1939 s'ils avaient pu entrevoir l'infernal Paris juif de 2020, dégueulant de nègres, de bougnoules et de juifs. Eh bien, c'est très simple. Personne ne se serait battu contre les nazis. Personne! Bien au contraire, les Français seraient venus grossir les rangs des troupes de l'Axe, dans une joie à peine dissimulée. Ils se seraient ensuite rués place de la Concorde pour remplacer l'obélisque par une statue titanesque d'Adolf Hitler, ce saint homme. La cause de la guerre atroce entre les Européens de l'Alliance et de l'Axe portait principalement sur l'ignorance ou l'incompréhension de la question juive. Je salue à ce propos votre émission admirable qui met en lumière les activités malfaisantes de la juiverie à notre époque. Car les juifs exècrent deux choses plus que tout. La lumière et les bébés ariens. Je finirai par une citation de l'illustre Mel Gibson. Les juifs sont responsables de toutes les guerres dans le monde. Merci à tous. Et c'est signé Ezra Ford. Ça, c'est pour le premier témoignage. Je me reconnais totalement dans ces considérations presque philosophiques, hein, qui partent simplement d'un constat empirique de la gare du Nord et qui, en fait, amène une interrogation, voilà, peut-être presque une uchronie, hein, que se serait-il passé si des gens avaient pu voir assez tôt, finalement, comme Louis-Ferdinand Céline a pu le voir assez tôt, ce qui allait advenir. Bon, ben voilà, malheureusement, on ne peut pas remonter l'histoire, hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais c'est une interrogation que je partage. Quelqu'un veut-il en dire quelque chose ? J'ai bien aimé là le fait que l'auditeur note que les juifs haïssent la lumière et les bébés ariens. Effectivement, l'un avec l'autre, ça te donne Prométhée. Hein. C'est les ariens vont porter, vont porter la lumière, hein, pour le coup, et engendrer, et fait créer. Et faire évoluer le monde vers le beau, alors que le juif, avec ses saloperies biscornues et ses nègres qu'il nous fout partout, parce que le juif ne se sent pas bien, hein, s'il n'évolue pas parmi toute cette crasse, il se sent mal, je pense que même il peut mourir, hein, il peut mourir d'asphyxie. S'il n'a pas le juif ne vit pas dans la saleté parmi les cafards et les rats. C'est ça, il a besoin d'air vicié pour survivre, le juif. Il a besoin d'air vicié et de laideur. Donc c'est très bien vu de la part de notre cher Ezra Ford. C'est intéressant, hein, parce que le lien qu'il fait, il dit voilà, je passe tout le temps en gare du Nord, bon, c'est un cœur racial, ça nous le savons tous. Il dit voilà, il y a une espèce d'art avant-gardiste, hein, avant-garde artistique, officiel, financé bien évidemment généreusement par les différentes mairies de gauche ou tout simplement juivées de Paris. Et en fait, il voit une jeune Rome qui est en train de faire de la mendicité, etc. Et en fait, il regarde tout ça, donc les images se bousculent, hein, voilà, les nègres tout autour, les effluves d'urine rance, une Rome qui est là, et au milieu de tout ça trône une œuvre d'art dégénéré qui est censée incarner, au contraire, le summum de l'art de la République, hein, on est bien d'accord. Et en fait, tout ça représente une toile vivante, assez représentative de ce qu'est effectivement, en vérité, la République. Donc très très loin, comment dirais-je, du fatras ronflant qu'on nous dépeint dans les médias. Hein. C'est là... Mais, Gandalf, excuse-moi, mais il y a encore mieux. Il y a un paradoxe absolument fantastique. Bon, ceux qui ne connaissent pas la gare du Nord, je vous garantis bien franchement que ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais la gare du Nord, surtout... C'est le terminal TGV de tous les départs vers Bruxelles, la Commission européenne, le Parlement, l'OLAF, toutes les institutions. Et le côté absolument fabuleux, c'est qu'on voit tous ces grands politicards de merde qui passent par la gare du Nord pour prendre le TGV, se rendre à Bruxelles. Donc, ils ont pris le métro. Ils ont pris le RER, ils sont passés par cette zone et toutes ces chiures vont affirmer, te jurer sur tout ce qui est possible ou imaginable que le grand remplacement, mais ça n'existe pas. Ouais. Ah oui, non, mais là je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que toutes ces élites-là, parce que c'est vrai, hein. La gare du Nord. Ils sont obligés de passer par le terminal TGV, ils n'ont pas le choix. Donc ils passent gare du Nord, ils prennent le métro, ils prennent les taxis. Mais si tu es gare du Nord, mais où que tu regardes, tu t'aperçois que tu n'es pas en France, tu es au Bougnoulistan. Chez les nègres. Chez les nègres. C'est vrai que oui, c'est un lieu de brassage de races. De différentes. Enfin, d'ethnie nègre, hein, je crois qu'on en est. Ah, mais d'ethnie, mais c'est pas. Les politiques passent par là, tu as vraiment beaucoup de passages, tu as des énergies qui se croisent et qui, Et Qui puis fermente, bon, c'est vrai. voilà, qui fermentent les politiques Mais oui, français qui se là rendent où à les gens Bruxelles. qui sont quelque chose croisent des gens qui ne sont rien. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ramènent leur pourriture nègre, hein, ça les suit jusqu'à Bruxelles, où ils vont voter des lois, des résolutions pour prier Saint George Floyd. Hein, Mais rappelez-vous, c'est hein. délirant, quoi. C'est délirant de voir ça. Et tu vois les mecs qui passent par la gare du Nord, et Dieu sait si j'en ai vu pas mal. Et ces mecs-là, quand ils sont à Bruxelles, alors là, le grand remplacement, mais ce sont des histoires de nazis, mais ça n'existe pas. Mais enfin, mais il y a un équilibre parfait quand vous êtes en France, enfin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te dit que les espèces de merde biscornue, c'est beau, alors que c'est laid, objectivement, qu'on te répète ça, qu'on te répète ça, qu'on te répète ça, tout paraît logique. Hein. Donc ce truc-là, c'est beau, oui, c'est beau. Les nègres, ben oui, c'est des Français. Voilà, tout était Oui, versé dans voilà, la télé. Genre, oui. J'ai envie de te dire, où est la normalité? Oh, exactement. C'est Hein. quoi la normalité? C'est quoi la C'est quoi la normalité? normalité? Ouais, Et attention, les gars, parce que bon, il y a la gare du Nord, il y a le métro, il y a la station de taxi où on voit la file avec tous les trous du cul made in Europe qui attendent leur tour. Mais alors, faut bien se rendre compte qu'il faut connaître, hein, il faut voir le topo. Juste en face de la gare du Nord, on a une brasserie qui, il y eut très très longtemps, avait bonne réputation. Il y a l'hippopotamus du coin. Et tout le reste, ce sont des merdouilles de kebab absolument dégueulasses, où à la limite, je crois que tu boufferais du rack, tu serais mieux nourri. Oh, tu me donnes envie. Alors, je vous annonce, au cas où vous ne le sauriez pas, qu'un très grand projet de rénovation de la gare du Nord a été décidé. Alors, je vous tais le prix. Oui. C'est faramineux. Quand je dis que c'est faramineux, c'est faramineux. C'est Ça doit être faramineux. un demi-milliard peut-être, hein, C'est quelque des chose sommes comme ça. absolument énormes. Absolument énormes. On n'est pas sur 50 millions d'euros, hein. Ah non, ça c'est... Enfin, Mais sur des volumes bien c'est pour plus refaire la importants. peinture, 50 millions. Hein, Voilà, c'est ça. Alors là, on va faire un truc nec plus ultra. Et puis, bon, au bout de 2 ans, on va se rendre compte qu'en fait, bon, bah, on a un truc, voilà, enfin, le top du top du top, hein. Mais que c'est toujours aussi pourri, en fait. Mais on va se dire, ah, ça, c'est bizarre, c'est quand même aussi pourri. Mais ça pourrait venir d'où, Il y a toujours une odeur de pisse et de hyène, hein, Ouais, c'est curieux, hein. d'étrange. Donc, je sais pas si en France la découverte du comment dirais-je du théorème du nègre va avoir lieu. Ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain. La question est posée. La Ah ben non, question enfin, il va pas. Les Français risquent pas de les découvrir. C'est tout le mystère de la mystique est... française, Oui, c'est pas le faux. nègre. Et c'est le charbon incandescent, c'est noir et ça c'est censé chauffer, apporter la lumière partout. Bon, Oui, il illumine le visiblement, cœur ça, aussi. la réalité n'a pas l'air d'accord avec ça, mais les Français, ils y croient. Hein, ils vont porter la lumière avec leur charbon incandescent. Oui, mais c'est quoi la normalité? Mais retenez bien cette phrase, hein. Ça explique toute la dystopie française, hein. C'est quoi la normalité? Voilà, les asiles sont remplis de gens qui ne croient pas à l'existence de normes, hein. Attention, ça va, quand vous entendez ce genre de déclaration, et notez bien, hein, la gonzesse du gazier là en question, qu'il a dû subir en colocation, était maquée avec un nègre musulman. C'est-à-dire que les gens qui contestent l'existence d'une norme ont tendance, un petit peu systématiquement, à se retrouver ennégrifiés jusqu'au cou, hein. Il y a des constantes dans tout cela. Il y a des constantes. C'est curieux quand même, tout ça au pays de Descartes, mais bon. Pas, il y a des mystères comme ça. Alors messieurs, je vous propose de passer au courrier numéro 2 de nos auditeurs. On remercie en tout cas Ezra Ford pour cette tranche de vie qu'il a dû s'infliger malheureusement en Île-de-France. J'espère quand même qu'il va réussir à se sortir de cette chiasse. Le salut pour son regard avisé. Oui, aussi, oui. Oui, un philosophe, un philosophe, un philosophe. Alors, courrier numéro 2. On va aller en Allemagne. Allez en Allemagne. Bonjour, chers amis démocrates participatifs. Suite à ce qui a été évoqué lors de l'épisode 33 de votre émission au sujet de la prise du Reichstag, j'aimerais partager avec vous mon témoignage sur la réaction des Allemands et vous allez voir que c'est consternant. Il y a quelques années, je me suis expatrié dans l'ouest de l'Allemagne à la recherche d'un pays bien plus blanc, que le Franquistan. Ce pays est maintenant devenu le Merkelistan et la proportion de métèques augmente à un rythme effrayant, comme si l'Allemagne cherchait à rattraper son retard sur la France. Mon épouse et moi sommes devenus très bons amis avec un couple d'Allemands, de bons Ariens, grands, droits et rigoureux, champions de descente de bière et mangeant comme quatre. Comme tous les Allemands de souche, leurs parents et grands-parents leur ont laissé des souvenirs de la grande époque. Ainsi, ils possèdent un album de vignettes façon Panini des Jeux Olympiques de 1936. Quand ils nous l'ont montré avec ses croix gammées et notre fureur bien-aimé en page de garde, j'ai pris l'expression du loup de Tex Avery devant une pin-up, tout simplement jouissif. Nos amis sont très remontés contre pas mal de monde, Merkel, Poutine, Trump et Erdogan, drôle de mélange. Ils sont mécontents de devoir toujours payer la taxe de solidarité pour l'Est du pays, que je paye aussi d'ailleurs, et ils sont très mécontents que leur pays verse des indemnités à perpétuité à Israël, avec mes impôts au passage. Comme je me plais à leur dire, un tout petit Allemand qui vient au monde est coupable avant même d'avoir poussé son premier cri. Et ce sera comme ça pendant les siècles et les millénaires à venir. On pouvait donc se dire qu'ils étaient peut-être à droite, voire même très à droite. Erreur. Lors d'un dîner, il y a quelques jours, ils nous ont dit avoir ressenti de la honte d'être Allemand devant les attaques, entre guillemets, contre la démocratie par les nazis, entre guillemets, lors de la manifestation anti-masque de Berlin le 29 août. Le drapeau impérial tricolore, utilisé principalement entre 1871 et 1918 et aussi durant les deux premières années du Troisième Reich, 1933-1935, suscite la consternation et la honte. Tous les manifestants, absolument tous, sans exception, sont assimilés à des nazis. Nos amis ont la conviction sincère que la démocratie est en grand danger. Nous leur faisons observer que le droit de manifester est un pilier de la démocratie et que, en tant que Français, nous sommes admiratifs et envieux de voir la liberté du peuple allemand alors qu'au même moment, en France, rien ne se passe et tout le monde obéit aveuglément. Que pire encore, les gens s'improvisent justiciers du masque et que les flics font des clés de bras et mettent en garde à vue les récalcitrants. Leur réponse est consternante. Avec ces gens-là, les nazis, c'en sera fini de la démocratie, on ne pourra plus manifester. D'accord, on résume. Pour préserver le droit de manifester, il faut interdire les manifestations. Ok, on passe au dessert, là au moins tout le monde sera d'accord pour le trouver succulent. Nous nous félicitons de ne pas leur avoir avoué que moi et mon épouse avons voté AFD aux élections européennes de 2019. Ils n'auraient tout simplement pas été capables de comprendre pourquoi. Une de nos voisines est âgée de 85 ans et est donc née sous le Troisième Reich. Une dame très gentille mais aussi très cultivée, ayant fait des études supérieures. Nous nous entendons très bien avec elle, elle n'aime pas les métèques et elle a eu une sérieuse altercation avec un nègre de l'immeuble à qui elle avait fait remarquer que « ici nous ne sommes pas en Afrique mais dans un pays civilisé ». Elle s'est vue automatiquement cataloguée « nazie » par nos amis. Aucune nuance. Quiconque n'aime pas les étrangers est nazi, point barre. Cela dit, j'aime à penser que c'est effectivement le cas et je prends un grand plaisir à l'imaginer à leur petite fille saluant le drapeau à croix gammée. Bravo mamie, brave mamie, si tu savais comme on t'aime, puisses-tu vivre encore longtemps. Dans votre article du 30 août intitulé « L'Allemagne, les partisans du 4e Reich prennent d'assaut le Reichstag », vous écriviez « On ne peut jamais vraiment empêcher les Allemands d'être Allemands ». Et là, 70 ans de lavage de cerveau, de bourrage de crâne et de culpabilisation à perpétuité ne peuvent pas s'effacer en quelques mois. J'aimerais que vous ayez raison, mille fois raison, mais je ne partage pas votre optimisme. Voilà, désolé d'avoir été un peu long, encore bravo et merci pour tout le travail extraordinaire que vous faites. C'est Kyle et c'est signé Reinhardt. Heydrich. C'est une figure que j'aime beaucoup, Reinhard Heydrich. Alors, messieurs, bon, c'est une réaction, effectivement, à cette action populaire contre le port du masque. Précisons tout de suite que ces manifestations ne sont pas limitées à l'Allemagne. Il y en avait encore ce week-end en Irlande. J'ai vu aussi qu'il y avait des manifestations à Montréal, au Québec, et encore dans d'autres endroits. Donc il y a un mouvement de fond qui traverse le monde occidental, alors peut-être encore à l'état embryonnaire, mais qui existe réellement, d'opposition en fait aux restrictions de liberté sous couvert de pandémie. Et donc en Allemagne et à Berlin, là, comment dirais-je, il y a deux semaines, enfin un peu plus de deux semaines, nous avons vu des gens investir les marches du Reichstag avec des drapeaux impériaux. C'était assez beau à voir, je dois dire. Et, en faisant des danses traditionnelles avec de la musique, c'était, on en avait parlé lors de la dernière émission, c'était excellent. Hein, c'était excellent, voilà. Et alors, comment dirais-je, on avait dit, voilà, finalement, chasser le naturel, il revient au galop, et là, notre auditeur dit, attendez, pas si vite, il y a quand même une chape de plomb absolument fabuleuse qui paralyse toujours, en fait, qui inhibe toujours le peuple allemand. Alors, qui, vas-y. En tout cas, notre auditeur est dans l'ouest de l'Allemagne. Hein. Dans l'ouest de l'Allemagne, oui. À l'est, c'est peut-être moins sûr, effectivement. C'est peut-être différent. Alors, effectivement, ils payent des impôts pour, comment dire, pour cette partie-là, hein, qui a un retard économique. Oui, par pour la partie saine hein, de l'Allemagne, oui. Pour la partie saine. Et c'est vrai que nous, en France, on paye des nègres pour ne rien faire. Alors, bon, autant qu'il est lié, comment dire, un transfert de richesse de l'Ouest vers l'Est. Oui, vers des Blancs, oui. Ce serait... Vers des Blancs qui sont peut-être, qui ont été préservés, enfin, je vais dire préservés, pas tellement. Ouais, enfin, ils ont été mis au frigo soviétique, donc... Ouais, au frigo, et puis de temps en temps, leur taper dessus, parce que le soviétisme, c'était pas non plus très rigolo, quoi. Donc c'est... Il y a un matériel humain qui est assez intéressant là-bas, je pense. Et bon, bah, c'est... Bon, à voir, hein. Peut-être que notre auditeur en sait plus de ce côté-là, mais... c'est ce qu'on avait dit, d'ailleurs, dans la... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais dit lors de la dernière émission, que l'Est de l'Allemagne... a toujours été. C'est l'ancienne Prusse, enfin en partie. Hein. C'est le cœur de l'ancienne Prusse. Maintenant, même à l'époque, avant l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, quand il regardait là où étaient ses partisans, là où il était le plus concentré, c'était dans cette partie-là, nord et est du pays. Alors oui, c'est très intéressant ça, puisque tu parles un peu de la sociologie. Bon, c'est un petit écart, mais c'est intéressant quand même. La sociologie du vote national-socialiste jusqu'en 1933 date de l'accession au pouvoir donc d'Adolf Hitler. La sociologie du vote est très intéressante puisque il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Bien sûr, il y a l'appartenance sociale. L'activité économique, l'activité professionnelle, dira-t-on, mais il y a aussi l'aspect géographique, l'aspect religieux, qui est assez peu mentionné, et l'environnement où l'on habite. Alors, les endroits où vraiment le Parti National Socialiste a été plébiscité, ce sont dans les villages, les petites communes, quoi, donc les petits villages protestants allemands. Donc, la paysannerie protestante du nord de l'Allemagne a vraiment plébiscité le national-socialisme. Ça, c'est d'une. Inversement, dans la partie catholique de l'Allemagne de l'époque, hein, les petits villages étaient totalement réfractaires à la pénétration du national-socialisme. Ils votaient à la place pour des partis catholiques divers. Hein. Il y avait le centre catholique, il y en avait d'autres aussi. Donc ça c'était intéressant vis-à-vis de la paysannerie. Et alors à l'inverse, il y avait un phénomène inverse, c'est-à-dire que paradoxalement dans les villes du sud catholique, plus on allait vers des villes grandes, plus le vote en faveur du Parti National Socialiste augmentait. Bon, ça c'est un point intéressant, c'est-à-dire que finalement plus l'emprise rurale catholique était faible sur les centres urbains, plus finalement les masses catholiques se portaient vers le national-socialisme. Donc ça, c'est aussi à savoir. Bon, je pourrais continuer comme ça, mais enfin, c'est un critère intéressant. Et ça a été vu aussi dans la sociologie française du vote, même du Front populaire, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'appartenance sociale. Il y a le milieu où on réside, est-ce qu'on vit dans une grande ville, est-ce qu'on vit dans un village, et la religion, ça c'était très important. Aujourd'hui, c'est un petit peu la grande inconnue, parce qu'il n'y a plus vraiment d'affiliation religieuse. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus, sauf pour une petite minorité. Mais à l'époque, ça structurait encore beaucoup les rapports entre régions, vis-à-vis du pouvoir central, vis-à-vis de l'État, etc. Donc voilà, donc c'est vrai ce que tu dis, quoi, Eric. Que les partis protestantes du Nord et paysannes survotaient massivement pour le Parti National Socialiste. Ça, c'est très clair. C'est très, très clair. Donc, voilà. Donc, je tenais quand même à le rappeler. Et alors, je disais récemment une étude, justement, sur le vote National Socialiste qui peut expliquer l'attitude du couple d'Allemands qui le connaît, là. C'est-à-dire qu'en fait, les sociologues qui se sont penchés sur la question du pourquoi du vote national-socialiste, distinguent en fait deux facteurs. Il y a les facteurs passifs et les facteurs actifs. Alors les facteurs passifs, c'est ceux que j'ai décrits, c'est-à-dire où habitez-vous, quelle est votre profession, quel est votre revenu, quelle est votre religion. Voilà, ça ce sont des données objectives et passives qui vont entraîner toute une série de questionnements ou de difficultés propre à votre condition, disons. Puis ensuite, les facteurs actifs. Et ce qui explique le succès du Parti National Socialiste, en fait, c'est l'activisme de ses membres. C'est-à-dire qu'en fait, le Parti National Socialiste s'est doté d'une vraie stratégie de conquête du pouvoir et de démarchage des masses. Avec, comment dire, une vraie offensive de terrain pour aller chercher des électeurs, organiser des cellules, voilà, enfin, il y a eu une vraie stratégie, ce que ne faisaient pas les autres partis. Les autres partis font ce que beaucoup de partis font aujourd'hui, même en France, c'est des partis bourgeois, c'est-à-dire c'est des partis, voilà, on milite un petit, enfin, on démarche un peu les gens un mois avant les élections, un mois et demi avant les élections, on met quelques tracts ici ou là, on monte sa bobine dans la presse, voilà, et on part du principe que comme un tel est un notable, bon, il sera plus ou moins reconduit, et au pire, un notable lui faisant concurrence prendra la suite. Bah, c'était à peu près le climat dans les années, début des années 30 en Allemagne, et là-dessus est arrivé le Parti National Socialiste qui est arrivé avec un activisme, une débauche d'activité militante qui a totalement pris de court tous les partis en place. Et ils ont très rapidement pris l'ascendant puisque les autres n'avaient pas d'orateurs, n'avaient pas de militants, pas d'activistes, et c'était aussi un parti très jeune, hein. La moyenne militante au NSDAP était dans la trentaine, c'était un parti de trentenaire, hein, le NSDAP à l'époque. Donc tout ça est intéressant à savoir. Donc il y a les facteurs passifs et les facteurs actifs, et dans les facteurs actifs, outre le militantisme, il y avait aussi en fait l'environnement. C'est-à-dire que les gens ne sont pas comme ça des individus coupés de leur milieu. Vous êtes au milieu d'influences sociales considérables par votre famille, par le candidaton de votre quartier, toute une série de choses qui font en fait que la réaction de l'opinion publique est très conditionnée en fait, par les influences qu'il subit au quotidien dans son milieu de vie. Et, la pression sociale. Hein, est-ce voilà, que la pression sociale est plus ou moins forte? Est-ce que les interactions, voilà. Est-ce qu'il y a plus ou moins de monde? Est-ce que tu baignes dans une ville où tu vas croiser 100 personnes par jour ou une personne tous les 15 jours? Tout à fait, c'est exactement ça. Et ce qui explique, enfin, une des raisons de l'hostilité vis-à-vis de l'Église catholique, c'est que l'Église catholique, en fait, était organisée comme un parti politique, en réalité, puisqu'il y avait une structure catholique pyramidale, adossée à un parti politique, qui était donc le centre catholique, avec des organisations de jeunesse catholique, un système d'école, donc qui se sentait en concurrence, et qui donnait donc des consignes extrêmement claires contre le Parti National Socialiste, mais pour de pures raisons, pas du tout pour des raisons idéologiques. outre le fait que le Parti national-socialiste n'était pas pro-catholique, si vous voulez. Mais c'était d'abord et avant tout pour garder des parts de marché. Et donc, là où, et ça on l'a observé aussi, c'est ce que je disais dans cette étude, là où, dans les villes, il existait une presse organisée, une presse bourgeoise organisée, que ce soit une presse, on va dire, centriste, ou une presse, même une presse conservatrice, vous voyez, mais qui était organisée, ça s'en ressentait sur le vote. C'est-à-dire que les national-socialistes avaient du mal à percer dans ces villes-là. En revanche, dans les villes où il n'y avait pas vraiment une presse très affirmée, il n'y avait pas un grand titre voilà, très visible, très établi, à ce moment-là, la presse national-socialiste perçait et parvenait à considérablement améliorer ses scores. Donc on voit que quand même les médias jouaient déjà, hein, il y a 80 ans, 90 ans, un rôle très important, et que c'est toujours aussi vrai aujourd'hui. C'est toujours aussi vrai aujourd'hui. Le rôle de la presse régionale à cet égard est extrêmement pernicieux et, à mon sens, beaucoup trop sous-estimé. Toute une série de choses qui peuvent expliquer encore aujourd'hui pourquoi je voyais les scores là, de Angela Merkel, 70% de taux d'approbation après le cataclysme migratoire. Bon, en fait, tout ça est dû à quoi ? Quel est l'état de l'Allemagne aujourd'hui ? Parce qu'il faut s'intéresser un peu à ça aussi. Pourquoi ce plébiscite ? En réalité, c'est d'abord et avant tout fondé par la peur. L'Allemagne, en Allemagne, il y a un fait central, c'est l'âge. C'est le facteur générationnel, je veux dire. Il est évident que ce pays est pris en otage par la génération d'après-guerre, ce qu'on appelle classiquement les baby-boomers. Mais ce qui revêt une importance au plan culturel et des représentations collectives, une importance bien plus grande encore qu'en France, en raison même de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que ces gens-là ont construit leur prospérité sur la reconstruction d'après-guerre et sur leur opposition au national-socialisme. D'accord ? Opposition imposée par l'occupant allié, essentiellement américain. C'est-à-dire les Américains ont mis de l'argent sur la table en Allemagne pour la reconstruction, mais ils ont dit attention, ça passe par la dénazification, c'est-à-dire le rejet du national-socialisme. Et ces gens-là se sont construits comme ça. Ils se sont construits non seulement une prospérité économique, mais une identité collective. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est un pays qui est quand même très vieillissant. Qui explique d'ailleurs sa politique migratoire assez ouvertement. Hein, Merkel a expliqué ça comme ça aussi. Voilà, c'était pas de la philanthropie. Hein, je veux dire, ça a été présenté comme de la philanthropie, mais bon, on a quand même pris des migrants du Moyen-Orient pour essayer de les faire quand même bosser à 80 centimes de l'heure. Là, bon, ça marche pas parce que les types sont des feignants accomplis. Mais bon, il y avait quand même l'idée de les foutre turbin. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Bah, ces gens ont peur pour leur retraite. Donc cette classe moyenne allemande, et même cette bourgeoisie allemande, qui a tout bâti sur le rejet du national-socialisme, notamment sa stabilité, aujourd'hui s'interroge. Parce qu'elle voit que le futur devient très obscur. Il n'y a plus de certitude à long terme quand il y en avait jusqu'à une date pas si lointaine. Donc voilà, donc c'est ce que je voudrais répondre. Je vous donne la parole après, bien sûr. J'ai été un peu long, mais. Voilà, c'est pas du tout étonnant, les réflexes. Tous ceux qui voudraient contester l'ordre établi sont assimilés à des nazis, si vous voulez. C'est totalement évident. Ce sont des gens qui ont un niveau social assez sûr et qui ont très peur de l'instabilité sociale, parce que je crois que ces Allemands se connaissent. Les Allemands connaissent le peuple allemand. Et ils savent que quand le peuple allemand... est dans une phase de difficulté sociale importante, les réactions sont des réactions de très grande amplitude. Et finalement, ils ont peur d'eux-mêmes, je pense. Je pense qu'ils ont très peur d'eux-mêmes. Ils ont peur de ce qu'ils peuvent faire. Voilà, je crois que ça explique beaucoup. Ça explique beaucoup de choses. Voilà, ça, c'est mon interprétation. Voilà. Quelqu'un veut-il réagir au courrier de notre auditeur, ou même éventuellement de ce que j'ai pu dire ? Voilà, c'est une précision hein, de ce qu'on avait dit la dernière fois. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Personne d'autre sur ce point précis ? Non ? D'accord. On va garder un œil sur l'Allemagne quand même, puisque, je vous l'ai dit, hein, le parti de Merkel est aujourd'hui pratique entre 35 et 40% dans les suffrages. Il n'y a pas vraiment de successeur vraiment désigné hein, de Merkel. Hein. C'est pas très très clair. Mais je pense que quand Merkel sera partie, parce que Merkel incarne ça, la stabilité, hein, 15 ans au pouvoir, c'est ce qu'elle incarne. Quand elle va partir, de toute façon, le successeur n'aura pas du tout la même surface médiatique, ni même internationale. Et ce successeur va devoir prendre le pouvoir à un moment où la situation économique en Allemagne devient extrêmement dure. Si vous vous intéressez à l'état de l'industrie automobile aujourd'hui en Allemagne, c'est très très peu reluisant en raison de toutes les restrictions internationales qui ont été imposées après le coronavirus. Donc c'est un pays qui va avoir de grosses difficultés, c'est pas le seul, hein, mais je veux dire, c'est un pays qui va vers de grosses difficultés, qui a un modèle qui est clairement en difficulté, le modèle mercantiliste est dans une situation très difficile. Il y a des implications géopolitiques, je ne vais pas revenir dessus, mais ça suppose une présence américaine qui stabilise pour que l'Allemagne puisse exporter. Ça suppose d'avoir peu de conflits géopolitiques pour que le flux de capitaux et de biens puisse circuler. Or, vous voyez que la Turquie menace la Grèce, qui est un point faible de l'Union monétaire européenne. Donc, tout ça commence à avoir du jeu. Il y a beaucoup de Turcs en Allemagne. Il y a un lobby turc très important en Allemagne. Merkel n'arrête pas de faire des yeux doux aux musulmans. Bon, c'est pas la seule. Hein. En France, on est aussi les grands spécialistes de ça. Mais voilà, c'est un pays qui marche sur des œufs, si vous voulez. Et d'où leur grande peur. Je dis, c'est un pays qui, je dis, les Allemands, l'Allemagne est un pays aujourd'hui qui a peur, qui a peur du futur et qui plébiscite en conséquence le statu quo. Et il faut comprendre ça, sinon on ne peut pas trop comprendre ses réflexes. Voilà. Bon. Je l'ai dit, et c'est vrai aussi pour la France. C'est vrai aussi pour la France, avec des différences, hein, bien sûr, d'ordre culturel, historique, politique, institutionnel, mais il y a quand même des similitudes. Alors, messieurs, je vous propose maintenant de passer à un truc un peu plus léger, on va revenir vers la France. Et là, c'est autisme radical. Alors, vous le savez, les élections municipales ont eu lieu et toute une série de nouveaux champions ont été élus. Et il y a toute une catégorie d'édiles qui sont observés avec grande attention. Ce sont les élus dits écologistes, hein, mais qui sont en fait, vous l'avez bien compris, des écolo-gauchistes ou des écolo-marxistes. Et à Bordeaux, la ville où nous allons, vers laquelle nous allons maintenant, on peut parler clairement d'écolo-marxisme. Vous allez me dire que c'est quand même exagéré de parler de marxisme pour parler du maire de Bordeaux. Et non, puisque dans sa majorité figure Philippe Poutou, hein, qui est le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, donc qui est un parti trotskiste révolutionnaire, le parti d'Olivier Besancenot et d'Alain Krivine, l'ancienne Ligue communiste révolutionnaire. Donc quand je dis que la majorité municipale bordelaise est une majorité écolo-marxiste, ce n'est pas une figure de style, c'est pas une exagération, c'est la réalité politique dans cette ville. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là? Alors, je vous rassure, pas la révolution, hein, somme toute, nous avons affaire à des révolutionnaires assez modérés, pas d'aventurisme excessif dans l'ancienne ville d'Alain Juppé, mais des tentatives assez particulières de marketer leur présence. Alors, voici ce que ça nous dit, c'est dans 20 minutes. Alors, un peu partout en France, les nouveaux maires écolos tentent d'imprimer leur marque, parfois à coup de décisions tranchées ou de déclarations remarquées. À Lyon, Grégory Doucet a fortement critiqué mercredi le Tour de France qu'il juge machiste et pas du tout éco-responsable. À Bordeaux, Pierre Urmic a annoncé la suppression du sapin de Noël de la ville, rapporte Info Bordeaux. Un arbre qu'il considère comme, je cite, un arbre mort. Je cite encore le maire, « Nous ne mettrons pas des arbres morts sur la place de la mairie, notamment sur la place B. Berland », a affirmé l'édile lors de sa conférence de presse de rentrée jeudi. « Je garde le souvenir de cet arbre mort qu'on faisait venir tous les ans. Ce n'est pas du tout notre conception de la végétalisation », a-t-il poursuivi. L'Association française du sapin de Noël naturel a aussitôt dénoncé cette décision, Monsieur le maire s'offre une couverture médiatique à bon marché tout en jetant l'opprobre sur toute une profession et porte atteinte à notre production et à nos emplois, a fulminé son président Frédéric Naudet dans un communiqué. Réduire les professionnels français du sapin de Noël naturel à de simples producteurs d'arbres morts relève, selon nous, d'une vision dogmatique, sans aucun fondement, qui vise clairement à nier une tradition familiale appréciée et largement suivie, comme à détourner les Français du sapin de Noël cultivé en France, poursuit le document. Pierre Urmic a aussi dévoilé la future création d'une charte des droits de l'arbre, là je découvre, je suis comme vous, et d'une réglementation de protection des arbres qui sera adoptée d'ici la fin 2020. Le sapin de la place B. Berland n'aura pas connu une fin heureuse. Comme le rapporte Sud-Ouest, l'arbre de 17 mètres de haut était tombé le 22 décembre 2019 sous les assauts de la tempête Fabien. Les vents violents avaient fini par casser le tronc. Au total, ce ne sont pas moins de 10 km de guirlandes qui sont installées chaque année sur ce sapin. Oui, c'est impressionnant. L'installation est habituellement réalisée grâce à une grue de 30 tonnes et prend jusqu'à 4 nuits pour être finalisée. Pour l'heure, Pierre Urmic a insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de sapin de Noël sur la place Béberland, mais n'a pas donné plus de précisions pour les autres nombreux sapins disséminés dans la ville. Comme le souligne HuffPost, lorsque l'on choisit un sapin naturel, c'est tout un processus qu'il faut penser en amont, déraciner l'arbre pour seulement quelques semaines. Quant aux sapins artificiels, ils ne sont que très rarement fabriqués en France. Bon, bah ça y est, c'est réglé, voilà, la liquidation a commencé, la liquidation finale. Alors, qui veut dire un mot là-dessus? Bah, c'est un petit peu comme ce que nous disait notre auditeur par rapport à la gare du Nord, hein, à la symbolique de l'art, du non-art, de l'arlet qui est censé être beau. Là, l'arbre de Noël, qui représente la nativité, mais hein, c'est un arbre qui est mort, c'est un arbre mort. Hein, c'est une inversion, on annule toutes les traditions, tout ce qui préexiste pour aller vers quoi. Alors je présuppose qu'il y aura un spectacle pour l'année, vivant, qui glorifiera la natalité des descendants d'esclaves, ou des esclaves, puisque je crois qu'il y a eu des trucs, des esclavagistes à Bordeaux, donc oui, il est fort probable. Oui, il y a la famille Mendès, France, en France. Je pense qu'on demandera aux Français de venir se prosterner devant la naissance d'un enfant nègre esclave, qu'ils ont fait beaucoup souffrir, et que, bon, les Juifs, on ne sait pas, ils étaient là. Et voilà, les Français devront... Ouais, expier pour les Juifs. Ouais. Devront expier, ben, c'est un petit peu comme ça. Ils sont là pour ça, en même temps. Hein. À Lyon, tu as le maire, donc, qui a pareil, bon, le Tour de France, il a fait tout un pataquès là-dessus, en disant que c'était... il fallait un Tour de France féminin, handisport. Quoi, hein. Ah oui. Donc, il y a ça, il devait aller à une réunion œcuménique. Alors bon, déjà, tu sais, bon, le catholicisme œcuménique, etc. Imaginez déjà le truc. Bon, il y va pas parce que c'est trop méchant, tu comprends? Parce qu'il est laïque. Par contre, quelques jours après, il va poser la pierre d'une mosquée. Voilà. C'est la ville, laïcité bien comprise. Oui, c'est métropole, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Marseille, etc. Marseille. Ouais, ont été kidnappés par des terroristes. Hein. Je les qualifie comme ça. Là, l'autre avec son arbre mort de Noël, Alors je sais pas s'il faut esprit ou pas, ou si c'est des créatures qui sortent des enfers pour venir nous tourmenter, tu vois, ils sont programmés comme ça, je sais pas. Je sais pas si c'est volontaire de leur part d'être autant des fils de pute. Je suis pas sûr. Mais moi j'ai un message pour Monsieur Urmic. En fait, qu'est-ce qu'il affirme? Il affirme dans son texte « Je garde le souvenir que cet arbre mort qu'on faisait venir tous les ans ce n'est pas du tout notre conception de la végétalisation. Eh bien, c'est très simple, mon gars. Tu prends une pelle, tu prends une pioche, tu ouvres le tarmac sur la place principale de ta commune et tu plantes un sapin. Et il sera vivant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année et généralement pour 20 ou 30 ans peinard. Ça n'emmerdera absolument personne et il suffira simplement une fois l'an d'aller y taper des ampoules et des guirlandes. Point barre. Oui, mais comme tu l'as bien compris, il y a une volonté non assumée de démanteler l'héritage collectif. Ah, évident, c'est clair. Évident. Et comment dire, d'autant que l'arbre de Noël n'est pas chrétien à l'origine. Hein. C'est un rite païen qui nous vient de l'Europe du Nord, du monde germanique d'ailleurs, et qui a été amalgamé ensuite à la faveur de la sédimentation pagano-chrétienne, dira-t-on. Il est rentré dans les us et coutumes, et voilà. Et alors je ne sais pas s'il pense attaquer comme ça la tradition chrétienne, mais en fait, il attaque tout simplement la tradition spirituelle européenne, la plus longue. Ah oui, il s'attaque aux fondamentaux. C'est une saloperie sans nom. Hein. Oh. Voilà, et comment dire, évidemment, je pense qu'on le trouvera ne faisant guère de difficultés à souhaiter un bon ramadan aux musulmans. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc, d'ailleurs, j'ai tendance à dire que le vers de l'écologie ressemble beaucoup au vers de l'islam. Il y a là une convergence de plus en plus affirmée. Donc, on retrouve à Lyon, effectivement. Alors, en fait, quand il a dit « oui, l'œcuménisme, ça m'emmerde, je suis un laïc », en fait, je pense que c'est parce qu'il y avait trop de chrétiens dans l'affaire. Hein. Je crois qu'à mon avis, il devait y avoir quelques protestants, quelques catholiques. Bon, il n'y aurait eu que des juifs et des musulmans, il y aurait été de bon cœur, hein, mais bon, il y a quand même quelques catholiques. Pourtant, on ne peut pas dire qu'à Lyon, ils sont particulièrement virulents, les catholiques. Hein. Ils ont été dirigés pendant très longtemps par, Barbarin. Par Barbarin, qui est une outre absolument ignoble, qui se rendait en Bretagne, d'ailleurs, à la faveur de cette escroquerie créée jadis par un orientaliste, qui est un Corbin, oui. Oui, le pardon de 7-5, une escroquerie absolue, je passe les détails, il ramenait là une espèce de bédouin en tenue pour annonner des sourates du Coran, enfin, c'était ahurissant, enfin, Barbarin était une saloperie de première volée, donc c'était lui qui dirigeait ce diocèse, d'accord. Donc eh ben, en dépit de tout cela, visiblement, pour le nouveau maire de Lyon, c'était encore beaucoup trop chrétien. Comme quoi, il en faut peu. Ben, ça faisait encore beaucoup trop référence à l'existant. Et donc, ces gens-là sont en guerre contre l'existant. Ils sont tournés vers un futur qui est, bon, ben, qui est justement la mosquée. La mosquée. C'est un futur très curieux. C'est un futur très curieux. C'est à la fois ce dont on a parlé déjà dans l'émission en parlant de Philippe Meret. Hein, bon, c'est la fête permanente, donc la culture festive et l'islam. Et puis alors en plus maintenant il y a un supplément d'âme écologiste. Alors là il faut être éco-responsable, espèce de, vous savez, de néo-frugalité, New Age, là, voilà, alors il faudrait faire un effort sur soi, parce que vous comprenez, truc, machin, alors voilà, mais il faut quand même être dans le festif, alors on fait des événements surmarketés, avec des slogans, bah, des trucs, bah, voilà, il faut, mais, puis de la diversité, donc il faut quand même des musulmans, etc., tu sais, puis les musulmans, ils en ont un branlé, eux, ils vivent toujours au 7e siècle dans leur tête, ils en ont rien à foutre de toutes ces conneries, quoi, ils colonisent, et le reste, ils s'en branlent. C'est pandémonium, hein, tout ça. Hein. C'est, bah, il faut fêter sa mort. Hein. Il faut, on arrête de vivre et on sabote ce qui a vécu. On met en place les conditions pour que autre chose vienne prospérer là où on est. Et on fait la fête parce qu'on va mourir. C'est génial. Hein. C'est de la secte apocalyptique. Qui va millénaristes aussi, parce que c'est une fin du monde. Ah, hein, ce sont des gens qui fin sont de... millénaristes, c'est millénaristes. Ah, ce sont des millénaristes, bien entendu. Et ils font ça dans la joie. Oui, très contenu. C'est... Hein, très contenu. Là, oui, non, mais leur fête, il faut voir hein, leur truc. Bon, enfin, la débauche, les... bon. C'est très contradictoire, c'est très contradictoire, ouais, parce qu'au plan économique, au plan social, les types te disent faut être dans la frugalité, faut être dans le rationnement. La sobriété heureuse. Ouais, hein, ouais, la sobriété, voilà, c'est ça, la sobriété heureuse. Ça, c'est Rabbi, Pierre Rabbi. Ouais, bah, il reprend ça, la sobriété heureuse. Et d'ailleurs, il s'abstient de vivre dans la sobriété, d'ailleurs, Pierre Rabbi. Ah bah oui, lui. Oui, bah, c'est un bougnoule, hein, en même temps, bon. Bah, il a trouvé le filon, hein. Bah, il y a une ferme qui ne marche pas. Il fait venir des concons voilà, bah oui. À des séminaires, des formations, etc. sur son truc pour dire oui, voilà, venez faire ça, ça. Il faut faire ci, ça, ça et ça. En gros, il les fait bosser à l'œil. Enfin, pas à l'œil, parce que les mecs payent pour se former, n'est-ce pas? Et c'est une arnaque absolument gigantesque. Hein, ah oui, alors, il y a même Macron, parce que ça fait partie des discours officiels, c'est le jour du dépassement. Ça, c'est une formidable escroquerie aussi. Oui, Earth Day. Voilà, c'est-à-dire le 28 août, c'est fini. On coupe le courant, il n'y a plus rien. On ne peut plus extraire parce qu'on a dépassé la limite. Et puis tout continue, quoi. Voilà, donc... Non, mais c'est extraordinaire. Alors, donc les types, et moi ça me rappelle les flagellants. On a affaire à un phénomène de flagellants, quoi. Ce sont des flagellants qui vous proposent vraiment l'austérité, vraiment millénariste, hein, avec la menace de la fin du monde, mais en même temps. Avec un truc complètement contradictoire, hein, parce qu'il faudrait être dans le spontanéisme hédoniste, le plaisir immédiat, le refus des interdits, etc. Un vieux fond de hippie, vous voyez, qui est un leg. Et tout ça ne mène à rien, et comme ils sont dans une posture, les jambes écartées, hein, il faut être bien avec tout le monde, il faut accueillir tout le monde, donc il faut accueillir les musulmans. Hein. Les gens marrons par principe, ça c'est clair, mais s'ils sont musulmans, c'est encore mieux. Ben, il faut se rouler par terre pour que les musulmans marchent dessus. C'est simplement ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, bon, voilà. Alors ça contrôle un certain nombre de villes aujourd'hui. Et non des moindres, hein, quand même. Et à Lyon, ils ont attaqué un autre symbole. C'était le Tour de France. Bon, le Tour de France, c'est un truc populaire. Moi, je ne suis pas un fan de vélo, personnellement. Enfin, bon, voilà, le Tour de France, c'est une espèce d'institution centenaire. Je veux dire, bon, c'est des gens qui font du vélo. Centenaire. Plus que centenaire. Alors, comment dire? Alors, une des excuses, parce que la hurie là, de Lyon, là, Doucet, qui a eu cette idée de génie là, de boycotter le Tour de France, donc on lui a demandé, il disait oui, mais. Alors, il disait c'est polluant. Alors, des gens qui font le vélo. Bon, bref, je m'arrête là, parce que sinon je vais. Bon, donc c'est polluant, mais il en faudrait le double, version féminine. Oui, pour qu'il y ait deux fois plus de monde quand même à rouler en vélo pour limiter la pollution. Non, mais vous voyez la tronche de ces gens-là, comment ça fonctionne. C'est maire, ça. Hein. Donc on est quand même passé. Ils vont nous faire. C'est maire de la deuxième ville de France. Mais ils vont nous faire regretter les socialistes, je veux dire. C'est-à-dire que même quand vous aviez Christophe Colomb, cette espèce de croque-mort, là, mou, il avait deux tensions, celui-là. Gérard Colomb, oui. Ouais, Gérard Colomb. Bon, on ne peut pas dire qu'il était très charismatique, mais bon. Enfin, il avait quand même encore un semblant de logique. Je veux dire, ce qu'il dit, il y avait encore une rationalité. Un semblant d'eux. On pouvait. Bon. Bah, il était en. Comment dire? Il était le représentant des patrons. Enfin, des patrons, oui, des industries, du tissu économique. Alors après, les tissus économiques, ça veut des types, ils veulent des nègres, des bougnoules à bas prix pour leur truc. Bon, c'est une chose. Mais ils veulent pas le. Enfin. Ce ne sont pas des gens qui prêchent l'apocalypse imminente, tu vois. Donc, ouais, il y a un saut, quoi. On passe la vitesse supérieure avec ces gens. Hein. Ouais, très clairement. Et bon, bah voilà, ils sont en commande. Et là, ils sont en train de se positionner pour 2022, parce qu'ils veulent une candidature écologiste, enfin, une candidature dite de gauche, alors, sous leadership écologiste. Oui, moi j'ai assez peur de Yannick Jadot, tu vois. Parce que bon, c'est c'est dans la veine de ces gens-là, hein, c'est le. Ben oui, mais c'est pas ça, c'est que les Français sont quand même un peu bon. Allez, on va pas froisser non plus tout le monde, je vais m'abstenir, mais ils vont voir un grand couillon avec une tête, voilà, enfin, avec un long nez, ça va leur rappeler De Gaulle, tu vois. Non, mais c'est... Ouais. Moi j'ai vraiment très peur de Yannick Jadot, c'est ce type-là. Enfin, on voit pas trop, on n'entend pas trop en ce moment, etc. Mais il faut, enfin, faut voir le courant politique qu'il représente est en progression. Les partis au pouvoir, quoi qu'ils en disent, ils sont à la traîne, ces gens-là. C'est-à-dire que c'est ces gens qui définissent le planning politique. Ils disent voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire plus la transition écologique, blablabla. Donc, Ouais, bien, ils ont un pouvoir d'excommunication qui est assez bien fascinant. sûr. C'est-à-dire que si jamais Macron en fait pas assez dans le truc, s'il dit là, voilà, en plus on peut le prendre à défaut. Enfin, ça, ils ont une carte terrible face à Macron. C'est-à-dire que Macron en a fait des caisses sur le réchauffement climatique. Mais Bon. pas que Macron, tous, à Non, droite, à gauche, je suis etc. d'accord. Mais Macron a essayé de se positionner comme étant une des principales figures internationales au plan gouvernemental de la lutte contre le pseudo-réchauffement climatique d'origine humaine. Bon. C'est une de ses marques de fabrique. Or, si Jadot ou les gogos, là, écolo ahuri, là, l'accusent d'être un faiseur, d'être un truqueur et de ne pas être au rendez-vous, chiffre à l'appui, Macron ne peut pas dire non, mais vos théories, c'est complètement débile. Il peut pas se dédire sur le fond. Donc, il va être obligé de s'expliquer. Sur ces chiffres, il perdra forcément, puisque les autres, comment dirais-je, mettent la barre beaucoup plus haut que lui. Forcément, les autres sont des écolos, des fanatiques verts. Donc, les types, je veux dire, ils mettront toujours la barre plus haut. D'accord, c'est clair. Donc là, il y a une spirale du discours public en vue de 2022 qui risque d'être assez comique, hein. Ça risque d'être assez. La logique est la même que ce qu'a fait la droite française par rapport à la gauche depuis la Ve République, c'est-à-dire suivre ce que fait la gauche. Donc la gauche dit il faut voilà le monde c'est comme ci, c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. La droite se dit non mais je vous comprends, etc. Mais nous on va faire autrement. Mais une fois que tu acceptes les constats de ton ennemi. Ben, c'est lui qui est juge, c'est lui Exactement. qui est qualifié pour dire si c'est bon ou c'est pas bon. Et la gauche française s'est fait piéger de la même manière que la droite par les écologistes qui sont en fait des radicaux d'extrême gauche, d'ultra, enfin, de giga gauche, si tu veux. Et puis, ils peuvent pas s'en sortir hein, avec ça. Ils ont accepté les constats, tous les constats que font les écologistes. Ils ont On va juste dire, on va, on va dire pas les constats, mais les présupposés, on va dire, des les écologistes. présupposés. Oui, voilà, la grille de lecture. Ils ont accepté la grille de lecture de ces gens, mais ils ont une approche différente par rapport au changement. Donc, ben, quand tu Oui, quand tu essaies de tourner autour du pot, enfin, tu ne gagnes jamais. Hein, tu es condamné à passer pour un ahuri parce que là, tu vas te dire non, mais tu as mal fait. Nous, d'ailleurs, hein, on est cohérent, on veut faire ci, on veut faire ça. Bon. Et même si leur discours est délirant, ils auront l'illusion de la. D'être ceux qui savent ce qu'il faut faire. Avoir accepté de se faire dicter sa grille de lecture politique par ces gens-là est la pire erreur que la politique française a pu faire depuis ces 20 dernières années. De toute façon, vous avez en France un grand vers que vous n'avez pas cité, qui résume un petit peu ce qui vient d'être dit, puisque lui, selon lui, tout va s'effondrer, on va tous crever. C'est Yves Cochet, le collapsologue. Ah oui, ancien ministre. Un Hein, ahuri. Et c'est là qu'on découvre que des anciens ministres, en fait, sont des fous furieux. Absolument. Lui, et t'as raison, hein, Yves Cochet, là, il vit dans la région de Rennes maintenant. C'est quelqu'un qui vous dit, dans 10 ans, donc en 2030, la planète a disparu. Il n'y a plus de vie sur la. Voilà. Alors les mecs lui posent la question. Alors le mec, il est en mode survivaliste et tout, machin. D'accord. Ben alors si c'est foutu, si la planète va disparaître, pourquoi vous faites votre petite maison, votre potager, votre truc? Ça sert à rien. Vous allez crever en mode Mad Max. Et là, le mec, oui, mais voilà. Donc, en fait, bon, lui-même ne croit pas à ces conneries. Mais ce sont des baratineurs. C'est comme, comment dirais-je, Nicolas Hulot. Ça, c'est un autre escroc de l'écologie institutionnelle absolument phénoménal. Ce type-là, qui est friqué comme pas permis, il a créé un petit empire personnel sur l'écologie. Il vend même des produits de bain, je crois, des trucs comme ça. Quand il va en vacances, enfin, il a une résidence privée sur la côte bretonne. Attendez, c'est en bord de mer, vous imaginez pas. Il est avec des Zodiacs à des moteurs énormes qui avalent des quantités phénoménales de carburant. Enfin, c'est une escroquerie. C'est comme les apparatchiks du Parti communiste, si vous voulez. Les mecs prêchent l'abnégation ouvrière, et pendant ce temps-là, ils sont en train de se dorer le cul sur la côte de la mer Noire, pendant que les autres sont au goulag. C'est exactement la même chose, quoi. C'est des hypocrites, et personne ne dénonce ça chez eux. Ils se font gauler la main dans le sac, hein. Il y avait l'autre, là, de Rugy, vous vous rappelez de cette espèce de faisan aussi, là, lui est originaire de Nantes, celui-là. Il s'était fait gauler avec ses homards. Il avait trouvé une rombière, il baisait un peu au-dessus de sa condition, il avait trouvé une rombière un peu plus présentable que ce qu'il aurait normalement dû avoir le droit de toucher, n'est-ce pas? Mais c'était pas pour rien, puisqu'il lui faisait tourner, comment dirais-je, des homards, du champagne, et ça, tout ça en très bonne compagnie. De Rugy, oui. Ouais, dans les salons de la République, etc. Bon, alors, les mecs, ils vous chantent la décroissance, le truc. Je veux dire, c'est tout ça et du théâtre. Mais les gens tombent là-dedans parce qu'ils ont un support. Et là, on repart sur nos villes écolo-ahuri, là, écolo-marxistes. Ils ont une sociologie derrière eux. Ça ne tombe pas de nulle part. Ils se font élire dans les grandes villes, par Boboland. Et Boboland, les bouffeurs de quinoa sont des cinglés. Ils sont cinglés. Et il y a beaucoup de cinglés en France, maintenant, qui votent pour ces gens-là. Donc, Pas seulement en France. Et pas seulement en France, parce que c'est une tendance de fond. Hein. Alors après, tout ça, ces histoires de réchauffement climatique sont instrumentalisées par les grands organismes internationaux, les grands milliardaires qui ont des idées en tête, puisque à Davos, déjà... parce que, rappelez-vous, Greta Thunberg, voilà, l'autiste. C'est une autiste clinique, hein, je veux dire, c'est pas moi qui l'invente. L'autiste, elle est allée s'exprimer à Davos, en Suisse, le lieu où s'expriment habituellement les grands milliardaires comme George Soros. Voilà, enfin c'est le forum, de la finance socialiste internationale. Et j'insiste bien sur ces deux termes, la finance socialiste internationale. Ça paraîtra contradictoire à ceux qui manquent un petit peu de perspicacité. Mais elle est allée là-bas pour faire son discours, comme si tout le monde pouvait rentrer à Davos. Non. Donc elle est cooptée par les plus grandes fortunes du monde pour servir un discours qui est en fait manufacturé par ces gens-là. Donc il y a une sociologie dans ces grandes villes, il y a des cercles d'intérêt qui sont intéressés, il y a historiquement aussi des agitateurs ou des idiots utiles du radicalisme vert qui est en fait un radicalisme rouge. Et voilà. Mais c'est vrai qu'en 2022, il y a le risque de voir cette candidature s'unifier. Hein. Le Parti Socialiste est en discussion avec... D'ailleurs, c'est un peu la manœuvre de Hollande, si vous avez suivi ça. Alors, je sais que c'est de la politique politicienne, pas forcément très intéressant, mais on a vu le gros Hollande sortir de sa réserve pour expliquer toute la nécessité qu'il y aurait d'une candidature socialiste. En fait, son seul but est d'éviter que le Parti Socialiste ne soit satellisé par Jadot et les écolo-gauchistes. Actuellement, Faure, hein, qui est un métis de Vietnamien à la tête du Parti Socialiste, est partisan d'une alliance avec les écologistes en 2022. Et là, on voit les vieux apparatchiks du Parti Socialiste essayer de bloquer. Je pense là qu'il y a des tractations, peut-être avec Macron, je ne sais pas. Il y a quelque chose, mais très clairement, Hollande essaye de faire pièce à une candidature unique à gauche qui pourrait gêner Macron. Ça me paraît très clair. Ça me paraît très clair. Et tu citais Greta Thunberg. Et son discours à Davos, son invitation, Elle avait sorti là-bas quelque chose que tout le monde, je pense que pratiquement tout le monde doit savoir. C'est lorsqu'elle s'adresse aux grands, mais par-delà les grands, elle s'adresse aux populations, puisque c'est répercuté par les médias, et elle dit « je ne veux pas de promesses, je veux que vous paniquiez ». En fait, elle s'adresse à tout le monde. Et ce qu'elle, sa volonté de voir les gens paniquer n'a pas fonctionné, mais elle a été réalisée par la suite avec ce putain de coronavirus. Puisque maintenant, tout le monde chie dans... Enfin, il y a beaucoup de gens qui chient dans leur froc. Et, pardon, oui, c'est, oui voilà, avec qui chient dessus, quoi. Et, maintenant, et on peut en mesurer la quantité, puisqu'il y a les porteurs de masques, il y a ceux qui n'en veulent pas, qui n'y croient pas, etc. On voit qu'il y a, il y a une ligne de conduite, quelle que soit la vocation, qu'elle soit écologique, qu'elle soit climatique, ou sanitaire, il y a un but qui est de terroriser les gens. Moi, je trouve ça extraordinaire. Oui, bien sûr, parce que la terreur permet de faire passer des mesures d'exception, telles qu'on les voit aujourd'hui. Ils ont essayé avec le réchauffement climatique, ils ont essayé de faire peur aux gens, ça n'a pas marché. Et, mais en plus... Vas-y, vas-y. Bah, parce qu'il n'y avait pas l'imminence... Le réchauffement climatique restait trop abstrait pour l'immense majorité des masses qui ne voyaient pas immédiatement dans leur environnement de menaces tangibles. Alors que quand on leur dit un virus arrive, il va vous tuer, c'est une question de semaines, les gens réagissent totalement différemment. Donc les médias ont essayé de créer une vague de panique autour de ce réchauffement climatique en disant voilà, les gens vont accepter des mesures d'exception qu'on va prendre, qui sont prévues de longue date. Et ils ont constaté que ça ne prenait pas, que ça n'amorçait pas dans l'opinion. En dépit de la tentative du phénomène Greta Thunberg, bon voilà, elle a disparu du jour au lendemain, elle n'existe plus. C'est ça, ça y est, voilà, les médias ont changé de truc. Maintenant, c'est le virus. Et vous voyez là qu'ils parlent de leur, éventuellement un deuxième confinement, alors limité, pas limité, je n'en sais rien, circonscrit ou pas. Mais on essaye à tout prix de nous faire peur avec ça, alors que, je veux dire, on nous en parle comme si c'était vraiment une menace sanitaire de première importance, alors que, désolé, il n'y a pratiquement personne qui meurt. Vous avez vu que le professeur Raoult, dont on a parlé, dont on n'est pas ici des fans, hein, je veux dire, on a été très critiques, des auditeurs, d'ailleurs, on fait des professionnels de santé qui nous ont écrit, nous ont dit, attention, méfiez-vous du professeur Raoult, il y a à boire et à manger dans ce qu'il dit, je partage aussi cette analyse, mais c'est quand même quelqu'un qui a aussi dit que c'était pas si grave ce qui était en train de se passer, c'était très exagéré, etc., ça y est, il a été déplatformé par YouTube. YouTube qui est en partenariat officiel avec l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Ils l'ont remis, hein, mais au bout de deux rappels. Quoi. Voilà, donc quand ça a tellement gueulé, ils ont eu les jetons. Comment dirais-je, l'OMS qui est totalement contrôlé par Bill Gates, qui a investi des sommes considérables dans tous ces programmes depuis des années, programmes de vaccination et pas que de vaccination. Si vous voulez, là, il y a une stratégie. Il y a une stratégie, faut pas se tromper. Et ces écologistes-là font partie du jeu. C'est-à-dire que leur agenda, l'agenda des écologistes, n'est pas du tout contradictoire avec les projets, les buts des grands groupes mondialistes qu'on va retrouver à Davos. Etc. Au contraire, c'est parfaitement complémentaire. Parfaitement complémentaire. Et ces attaques ciblées... ne doivent rien au hasard, selon moi. Alors, bien sûr, ici ou là, ça peut être simplement l'objet d'un coup de folie d'un maire un peu concon qui veut faire du zèle. Mais il y a quand même, on voit bien, parce que ça transparaît systématiquement, il y a vraiment une volonté d'accélérer le démantèlement des repères collectifs des populations historiques. Il y a une volonté d'atomisation, c'est évident. Une volonté de dissolution. Des communautés historiques pour les remplacer par une espèce de bétail multiracial, déraciné, qui correspondrait à la conception qu'ils ont de l'humanité. Quand vous vous intéressez un petit peu dans le monde écolo-gauchiste, quand ils parlent d'enracinement, etc., enfin, le retour à la Terre, vous regardez, c'est toute leur propagande comporte de l'Africain. Enfin, je veux dire, c'est une obsession. Ces gens ont une obsession pour le nègre absolument ahurissante. Ahurissante. Ahurissante. Ils sont obsédés par les nègres. Ils ne sont pas obsédés par les Asiatiques. Hein. Ils ne sont pas obsédés par, les Iraniens, ni je ne sais. Hein. Il faut que ce soit des peuplades totalement disqualifiés par l'histoire, incapables d'avoir foutu quoi que ce soit de grand dans toute leur histoire longue, hein, au fil des millénaires. Voilà, ça, c'est les peuplades qui les intéressent. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très profondément hostiles à toute forme de civilisation. Les écologistes, en profondeur, c'est ça. Ce sont des gens qui sont hostiles à toute forme de civilisation. Ouais. En plus, pour en revenir justement aux écologistes, non seulement ce sont des connards, ce sont des abrutis, des menteurs. On a un cas en Belgique qui est un peu particulier. Il n'est pas le seul, hein, mais c'est un type qui s'appelle Alain Marron, dont j'aurais tendance à vouloir gratter un petit peu la généalogie avec un nom pareil. Mais bon, c'est le type qui lui disait il y a quelques semaines, voilà, il y a telle avenue à Bruxelles, j'ai oublié le nom. Telle avenue est à deux bandes, avec une bande centrale en herbe et des arbres. Cette surface est perdue dans cette avenue comme dans toutes les autres avenues. La solution consisterait à enlever les arbres, tiens, il fait le contraire de l'autre, là, hein, de ce, le mec de Lyon ou je sais plus où, là, et enlever des arbres et cultiver cette terre qui ne sert à rien. Comme si ce con ignorait, et peut-être qu'il l'ignore, hein, ils sont peut-être plus cons que je ne le pense, que là où on cultive les fermiers, ces fermiers cultivent en fonction de la surface et de la masse cultivée, touchent des indemnités de l'État pour détruire leur récolte. Ce sont les quotas européens qui ont mis ça, je crois, au départ. Et ça se pratique partout. Et le type nous dit, ben, il n'y a pas assez de terres cultivables parce qu'il y a une trop grande densité de population dans le pays. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il prend vraiment, soit il prend les gens pour des attardés, soit ils sont vraiment enfermés. Quelqu'un d'autre sur la fièvre écolo-gauchiste ? Non ? À surveiller. Ah oui, à surveiller, oui, ça par contre, oui. Hein. Alors, avant de nous séparer, parce qu'on fera une émission un peu plus réduite que d'habitude, un dernier point de discussion, puisque vous avez remarqué que nous sommes à la veille du... Enfin, nous sommes en plein procès de Charlie Hebdo, pardonnez-moi. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a les discours officiels, assez lénifiants d'ailleurs sur la question. Vous savez, je suis Charlie, etc. Bon, en 5 ans, vous avez vu la direction quand même générale du gouvernement français. On sort, il y a quelques mois à peine, hein, de l'échec du vote de la loi Avia, mais de peu, finalement, parce que médiatiquement, elle avait été complètement invalidée, soutenue par la plupart des forces politiques, si ce n'est à quelques exceptions près, et ça a échoué au Conseil constitutionnel. Mais en fait, on était parti pour avoir une loi extrêmement draconienne de censure. Donc, je suis Charlie, vous savez quoi en penser. Mais bon, voilà, le système est dans cette espèce de schizophrénie dans laquelle il cherche à préserver l'image d'un système libéral, tolérant, garant des libertés publiques d'une part, et puis de l'autre, sa réalité de plus en plus évidente, qui est celle en fait d'une tyrannie qui se met progressivement en place, où vous ne pouvez plus vous exprimer sans risquer d'être interpellé par la police, avec des procès politiques, pour le coup, intentés par la DILCRA, par telle ou telle organisation parapolitique liée au gouvernement, etc. Donc il y a une espèce de dualité là qui n'est pas du tout assumée par le système. Ça vire à la schizophrénie d'ailleurs. Et on a vu une enquête d'opinion réalisée à la faveur donc du procès de Charlie Hebdo sur l'état de l'opinion islamique et française. Intéressant. Puisque, comme vous le savez, par la force de l'immigration, le nombre de musulmans, d'immigrés en général est de plus en plus important, immigrés extra-européens est de plus en plus important, mais plus spécifiquement, les musulmans sont de plus en plus nombreux en France, nos auditeurs le savent parfaitement, mais enfin, c'est important de pouvoir le mesurer. Je rappelle qu'en 2016, il est officiellement comptabilisé en France, pour les naissances, 19% des naissances en France recevaient un prénom musulman. Précisons que tous les enfants qui sont d'origine musulmane ne reçoivent pas systématiquement des prénoms musulmans. Vous avez des musulmans qui reçoivent des noms assez lambda, pas tous les citer, il y en aurait quelques-uns, mais je veux dire, ce n'est pas réductible, c'est sûr. Et de la même façon, ces 19% de prénoms musulmans donnés aux enfants qui naissent chaque année en France depuis 2016, il y en a plus depuis bien évidemment, ne représentent pas tous les allogènes. Hein. Il y a des allogènes d'Afrique subsaharienne qui ne sont pas de tradition musulmane. Hein. Ce sont des gens de tradition catholique, par exemple, ou animiste, pour ne citer que cela. Et je ne parle pas, bien sûr, d'autres pays. Donc, dans ce contexte-là, avec ce procès de Charlie Hebdo, une mesure de l'opinion a été faite, et alors des chiffres absolument désastreux pour le camp républicain sont tombés, alors là, parce que là, c'est la fin du vivre ensemble, hein, y a pas d'autre façon de le traduire. Ça a été réalisé par l'IFOP. Alors, je vais vous donner comme ça des chiffres en vrac, on peut les commenter hein, les uns après les autres. Alors, premier chiffre, 73% des musulmans en France comprennent l'indignation des musulmans en général suite à la publication des caricatures du prophète de l'islam par Charlie Hebdo. Donc, 73% des musulmans comprennent l'indignation dans le monde musulman et dans la communauté musulmane vis-à-vis de cette publication. C'est-à-dire, en fait, ils sont scandalisés. 73% des musulmans en France sont scandalisés par la publication de ces caricatures. Voilà, ça, c'est le premier chiffre. Évidemment, la proportion de Français qui sont scandalisés est rigoureusement l'inverse. Hein, mais bon. Ouais, c'est 30%. Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez une divergence de fond. Alors, il y a d'autres chiffres très intéressants. 69% des musulmans en France estiment que la presse n'a pas à publier de caricature du prophète de l'islam. 69%. Et après, il faudra faire une étude par âge sur les plus jeunes. Voilà, c'est très intéressant. Mais 69% des musulmans, donc, refusent hein, toute idée de blasphème par caricature. Ça, c'est aussi... C'est encore pareil, hein. Quand tu prends l'ensemble des Français, c'est 30. Alors, voilà. Sachant que l'ensemble des Français, il y a les musulmans, qui dedans. Sont comptés dedans. Ah, donc là, il y a une divergence radicale qui se traduit évidemment par la sécularisation totale des Blancs, qui ont quitté la religion, de manière générale. Et au contraire, le fait que les musulmans s'identifient très étroitement à leur religion, indépendamment de leur pratique. Donc, ça, c'est important. 66% des musulmans en France estiment qu'il est justifié de poursuivre en justice les blasphémateurs. 66%. Les deux tiers des musulmans estiment qu'il faut une loi sur le blasphème pour vous poursuivre en justice si vous insultez l'islam ou critiquez l'islam d'une manière telle qu'elle déplaît aux musulmans. Et Dieu sait qu'ils sont susceptibles. D'accord ? Donc, ça, c'est l'état de l'opinion islamique sur le blasphème. 18% des musulmans, donc ça fait quand même 2 millions d'individus, parce qu'on part du principe qu'il y a pratiquement 10 millions de musulmans en France, c'est un ancien responsable, comment dirais-je, de la statistique démographique en France qu'il avait reconnu, hein, un mec de gauche, pas du tout politiquement incorrect, et il avait dit qu'on l'a plus ou moins en approchait des 10 millions, hein, voilà, ça c'était il y a un peu plus d'un an. Donc 18% des musulmans, soit pratiquement 2 millions de personnes, ne condamnent pas les frères Kouachi pour avoir exécuté les membres de la rédaction de Charlie Hebdo. Ce chiffre atteint 26% chez les jeunes musulmans. Donc vous avez un quart des jeunes musulmans, comprendre, de moins de 25 ans, qui ne condamnent pas les attaques djihadistes contre Charlie Hebdo. Ça veut dire qu'en fait, ils les cautionnent. Il faut le comprendre. Hein. Donc ça, c'est un quart des jeunes musulmans, et ramener dans la totalité de la communauté musulmane, c'est 2 millions de personnes. Donc aujourd'hui, en France, au niveau de l'opinion publique islamique, vous avez au minimum 2 millions de personnes qui refusent de condamner l'exécution des membres de Charlie Hebdo. 2 millions, hein. Ça fait un beau foyer de recrutement, permettez-moi quand même de le souligner. Hein, je veux dire. Ça, c'est important, c'est alors, chez les 15-17 ans, c'est 75. Alors, chez les 15-17 ans, entre 2016 et 2020, le nombre de musulmans qui ne condamnent pas les attentats est passé de 1%, donc 1% en 2016, de 15-17 ans, qui ne condamnaient pas les attentats. Ils disaient, oh, ouais, moi, je condamne pas, tu vois. Donc, 1% en 2015-2016, à 22% 4 ans plus tard. de 1% à 22% en 4 ans chez les 15-17 ans le nombre de personnes qui refusent de condamner les attaques djihadistes. Donc le vivier est... Le basculement est pratiquement acté déjà. Oui, et fertile. Et donc il y a un passage aussi, c'est, enfin, je crois que c'était en 2015, ceux qui, enfin, les jeunes de 18-25 qui affirmaient que la loi coranique devait prévaloir sur les lois françaises, c'était la moitié, et là, enfin, on est passé de la moitié à 75%, donc il y a eu une augmentation de 50% sur... Alors, il faut procéder dans l'ordre. Alors, là, l'étude d'opinion indique que 40% des musulmans en général en France estiment que la loi coranique, donc la charia, doit prévaloir sur la loi républicaine, donc la loi française. 40%. Et quand on s'intéresse aux différences d'âge, effectivement, comme tu le dis, c'est 74% des moins de 25 ans qui considèrent que la charia doit prévaloir sur la loi française. 74% des musulmans de moins de 25 ans, les trois quarts des musulmans de 25 ans, estiment que la loi islamique, la loi coranique, la charia, doit être établie en France. C'est énorme. Et là, il y a un basculement de génération en génération dans la communauté musulmane. On est à trois générations, pratiquement quatre générations de musulmans en France. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe ? La première génération était beaucoup plus sécularisée que la troisième et la quatrième. La quatrième, donc celle qui aujourd'hui est très jeune encore, mais qui va avoir 20 ans en 2030 à peu près, cette génération-là, en 2030, oui, aux alentours de 2025-2030, cette génération-là sera très, très revendicative au plan politico-religieux. C'est tout à fait clair, et identitaire aussi. Et donc ça, c'est les trois chiffres. Donc on résume, 74% des musulmans de moins de 25 ans considèrent que la charia doit prévaloir en France, 66% des musulmans de moins de 25 ans considèrent que le blasphème doit être puni par la loi, et 33% des musulmans de 15-17 ans, parce que à ceux qui refusent de condamner, il y a ceux qui ne se prononcent pas, ils n'ont pas d'avis, vous voyez, donc ils refusent de dire « je condamne », d'accord ? Donc quand vous additionnez les deux, donc ceux qui ne condamnent pas et ceux qui ne se prononcent pas, vous avez 33% des musulmans de 15-17 qui refusent de condamner le recours au djihad contre les infidèles, qui blasphèment. D'accord ? Donc ça, c'est l'état de l'opinion publique musulmane après 5 ans de matraquage laïcard. Hein ? Il faut lutter contre le radicalisme, on va prendre des mesures pour lutter contre la, etc. On va arrêter des attentats, on va faire la sensibilisation. On va faire des réunions de ci, voilà. On va donner du pognon aussi, beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, oui. Le bilan est là. On va inaugurer des mosquées. C'est bien. Oui, on va inaugurer des mosquées, effectivement, pour la Concorde. Public. Donc voilà, le décrochage il est très fort et extrêmement rapide. Ça, c'est la rapidité du processus qui est absolument hallucinante. Hein. Le cas des 15-17 ans qui passent de 1% de gens qui ne condamnent pas à 22, là en 4 ans, 5 ans, vous avez le basculement complet d'une génération. Ça se passe maintenant, c'est en temps réel. En 2025, ces gens-là seront 50 ou 75% dans leur classe d'âge. Hein. Les jeunes adolescents musulmans qui sont présents en France, aux trois quarts, seront des adorateurs, des fans absolus, des frères Kouachi, de tous les djihadistes français. Ça, il faut bien comprendre. Qui seront ensuite djihadistes eux-mêmes, ne l'oubliez pas. Je pense que ces chiffres-là sont... Si tu poses la question dans des pays comme dans les pays du Maghreb, même peut-être l'Algérie, il y aura des positions qui seront moins radicales. La France se prépare à être un pays, non pas musulman, mais se prépare à être une extension du califat. Hein. C'est, un état djihadiste en fait. Un état djihadiste, ouais. C'est l'Afghanistan peut-être. Bon, ils ne sont pas encore dans les montagnes, bien heureusement. Mais on va pas passer par. Ça va pas être comme les boomers, ils vont au Maroc, tu sais. Les trucs où ils sont dans leur ambiance, où on leur fait des courbettes, etc. Non, ça, vous ne passerez pas par cette case-là. Ça n'existera pas. C'est vraiment... je vais donner quand même des pistes de réflexion qui peuvent être utiles à nos auditeurs. Si vous avez du temps à perdre, si vous ne savez pas quoi faire, vous êtes dans les transports en commun, vous ne savez pas quoi écouter, Vous êtes au boulot, vous avez du temps. Bon, bah, écoutez, j'ai des pistes à vous soumettre. Vous apprendrez des choses très, très, très, très intéressantes. Il y a trois sociologues qui sont d'autant plus intéressants qu'ils ne viennent pas de la droite. De toute façon, la sociologie n'est pas une science de droite. Hein. Je dis pas qu'elle ne pourrait pas l'être, mais je dirais qu'elle est très largement trustée par des gens de gauche, à l'évidence. Il y a trois sociologues qui nous permettent aujourd'hui de comprendre dans les grandes lignes, avec une certaine honnêteté, une certaine objectivité, la mutation actuelle au XXIe siècle de la société française, qui va vers une fragmentation, en fait une balkanisation. Alors c'est la balkanisation, la libanisation, c'est un vieux thème chez nous, dans nos milieux, hein, dans la droite identitaire. On parle de ça depuis les années 80-90, je veux dire, la nouvelle droite en parlait il y a 40 ans, hein, et c'était tout simplement une question de logique. Il suffisait de prolonger les courbes pour se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans, dans 40 ans, bah écoutez, c'est simple, on prend les courbes démographiques, on poursuit, et on aura à peu près ça. Mais c'était très violemment combattu par la gauche qui restait sur un prisme antiraciste, universaliste, qui niait en fait les déterminismes raciaux, culturels, religieux, bien évidemment, qui prétendait pouvoir les mitiger à coup d'aide sociale, d'intégration et que sais-je. Et alors il y a ces trois sociologues. Bon, Guy, lui, il est connu. Bon, Zemmour en parle souvent. Bien, je ne vais pas m'attarder sur lui. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il donne une géographie de ces mutations, et en fait de la fracturation entre le haut et le bas. Ça, c'est intéressant parce que on passe d'une fracture gauche-droite à une fracture entre le haut et le bas. Alors, mais c'est pas juste de dire oui, mais il y a toujours eu des différences entre le haut de la pyramide sociale et le bas. Oui, mais il y avait, comme l'explique très bien, là je viens sur une deuxième source, c'est Fourquet, Jérôme Fourquet, il y avait une cohérence de droite et de gauche, c'est-à-dire que vous aviez des gens de catégorie populaire à gauche et à droite, et des élites de gauche et de droite. Et il y avait une certaine loyauté entre ces deux grands silos, on va dire, on n'a qu'à les décrire comme des silos, ou pyramides, pyramide de gauche, pyramide de droite, ce qui fait que quand vous mettiez une majorité de droite au pouvoir il y a 40 ans, admettons, elle essayait de faire une certaine politique, pas toujours idéalement, mais enfin, essayer quand même de rester sur certains fondamentaux, on va dire, dans laquelle se retrouvait sa base. Et inversement pour la gauche, on l'a vu avec Mitterrand notamment. Et après, en fait, ça serait complètement estompé, et ça a été formalisé par Macron. C'est-à-dire que Macron a en fait formalisé au plan politique et institutionnel le fait qu'il n'existe plus, en raison de l'effondrement de la religion, et ça c'est l'apport de Jérôme Fourquet avec son bouquin « L'archipel français », donc allez sur YouTube, cherchez Jérôme Fourquet, trouvez ses conférences, vous allez découvrir des trucs. Il vous explique, alors ça c'est vraiment intéressant, il vous fait la cartographie culturelle de l'effondrement. Donc Guy, lui, vous fait la géographie, il explique aussi la rupture entre le haut et le bas, avec l'unification, on va dire, de la moitié supérieure de la population française et qui se rallie autour de Macron, et puis quelques satellites, quoi, genre un peu les écolos ou les trucs comme ça. Jérôme Fourquet s'intéresse à la rupture culturelle. Et c'est une rupture vraiment historique majeure, parce qu'on quitte le christianisme, en fait, donc qui a longtemps façonné culturellement la France, et il le mesure avec les prénoms. Je trouve ça passionnant. Et vraiment, je vous invite à écouter une de ces conférences, vous allez voir l'attitude des gens. Donc, la montée en puissance de l'individualisme. Donc, pourquoi les gens cherchent à avoir des prénoms originaux pour leurs gamins et plus à avoir des prénoms dans une norme collective. Donc, c'est le primat de l'individualisme. Et comment les musulmans refusent cette pratique. C'est-à-dire que l'individualisme ne prend pas chez les musulmans. Les musulmans restent sous l'emprise de la logique de groupe. De la logique de groupe et de la logique de groupe islamique. Très, très, très, très intéressant. Et alors, en projetant évidemment, alors il place ça dans le temps long, hein, donc il va vous dire, voilà, au début du XXe siècle, les gens donnaient en général tel type de prénom, des prénoms chrétiens, etc. Et à partir de telle année ou telle décennie, ça a profondément changé. Et aujourd'hui, on voit, juste par ce phénomène de prénom, comment se forment les nouvelles collectivités, les nouveaux groupes, si vous voulez, sociaux. Donc le grand phénomène, c'est la fragmentation. il n'y a plus de facteur unificateur. Et il dit, c'est ça un des grands. Et c'est pour ça que ce qui se passe avec les musulmans, avec l'étude d'Opinion sur Charlie Hebdo est très intéressante, c'est qu'il n'y a plus de majorité claire qui impose sa culture aux nouveaux venus. C'est fini. Donc, la souche historique du peuplement français devient trop minoritaire, à la fois dans les instances dirigeantes du pays, dans les médias, dans la culture, etc., pour imposer ses repères culturels, ça c'est d'une. Et deuxièmement, devient minoritaire à la base. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'endroits en France, les grandes villes par exemple, où en fait les Français sont trop minoritaires pour imposer quoi que ce soit, pour imposer leur coutume vestimentaire, leur façon de manger, etc. Donc ça, c'est en voie d'évaporation. Là-dessus arrivent des quantités toujours plus importantes de migrants, dont beaucoup de migrants musulmans, sur des populations, donc dans des zones de peuplement déjà fortement musulmanes, qui conservent leur repère identitaire islamique. Donc, c'est plié. Non seulement il n'y a plus d'assimilation, mais vous n'aurez pas d'intégration. Vous aurez la balkanisation. Ça, c'est... Ah, c'est... D'ailleurs, à quoi s'intégrer ? Il n'y a plus de religion, voilà. La famille n'existe plus, parce que bon, on divorce... au moindre truc, quand on fait des gosses, hein, bon, c'est pas sûr. Donc, tout le monde est atomisé, il n'y a pas de volonté collective, clairement. Hein. Tout à fait. Alors, la troisième source, vous pouvez aussi chercher sur YouTube, je vous invite à écouter cet homme-là, encore quelqu'un de gauche, mais qui est assez objectif dans sa critique, dans son analyse, c'est Jérôme Sainte-Marie. Alors, lui, il parle de blocs électoraux, c'est très intéressant. Écoutez-le. Vous apprendrez aussi beaucoup de choses sur ce qui se passe à la fois dans ce qu'on appelle le phénomène du populisme et avec ce qu'incarne Macron. Et cette rupture entre le haut et le bas. Et quand vous suivez ces trois personnes, il y a d'autres sources, hein, mais quand vous suivez ces trois personnes, ces trois sociologues, vous allez avoir une description assez honnête de l'évolution de la société française vers une balkanisation qui est non seulement une balkanisation raciale, culturelle, mais aussi une balkanisation social, économique et politique. Et quand on a compris ça, on comprend dans quelle zone on évolue, si vous voulez. Et le système droite-gauche ne peut plus fonctionner. Il peut plus fonctionner. Ça ne peut plus fonctionner. Et c'est pour ça que j'ai cité un petit peu Hollande aussi, hein, un peu avant dans l'émission, en disant, voilà, il essaye de faire pièce à Jadot avec son écologisme, c'est ça, parce que l'écologisme, c'est un petit peu comme Macron, c'est informe. Vous pouvez, voilà, Jadot il est parti au MEDEF, les voir là-bas, parler au CAC 40. Voilà, il dit ouais, moi je suis pour faire un capitalisme vert en gros quoi. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On a parlé de Davos, etc. Ils sont déjà sur cette ligne-là. Je veux dire, le type est dans une rupture ou bien dans une continuité, vous voyez. Bon, donc en fait, Jadot, vous voyez, c'est une faction possible qui peut animer. Cette couche supérieure de la population qui est coalisée actuellement autour de Macron, mais qui demain pourrait grosso modo être coalisée autour de Jadot, pour un peu qu'ils se recentrent encore davantage, voilà, sur certains thèmes, je sais pas, on pourrait imaginer la sécurité par exemple, c'est quelqu'un, Jadot, qui pourrait parfaitement être un candidat de substitution pour remplacer Macron, quoi, voilà, dans une non-alternance, puisqu'il n'y en a pas en fait, c'est tout à fait possible, quoi. Et en fait, à la base, et ça c'est très intéressant, en fait, donc Hollande essaye de maintenir le clivage de gauche du XXe siècle qui n'est plus du tout opératif, et Mélenchon est sur cette ligne là aussi, et c'est générationnel parce qu'il a à peu près le même âge que François Hollande. C'est des types qui ne comprennent pas que la gauche comme symbole ne veut plus rien dire. Donc c'est un fétichisme, ils sont fétichistes, ils utilisent des termes qui viennent de la tradition de gauche vieille de deux siècles. Corbière est très fort dans le domaine, là, pour la France insoumise, espèce de néo sans culotte, là, mais ça tombe à plat parce qu'il n'y a pas la sociologie qui est sensible à ça, si ce n'est des petits fonctionnaires syndicalistes, d'un certain âge d'ailleurs, plutôt vers la cinquantaine, qui ont pu être dans cette tradition-là. Mais c'est en train de crever. La notion de gauche comme bloc politique est en train de crever. Comme la notion de droite, d'ailleurs. Et c'est là que l'affaire de Marion Maréchal et de Ménard tombe complètement à plat, puisque la bourgeoisie n'est pas intéressée. La bourgeoisie de droite, j'entends. Ce qu'on appelle la bourgeoisie de droite, qui votait jadis Fillon, etc., elle n'est pas intéressée, puisqu'elle n'est plus catholique pour l'essentiel. Sociétalement, on l'a vu, le mariage pour tous, bon, ça a été le chant du cygne. Ils ont fait passer tous les derniers trucs qu'ils ont fait passer, il reste peut-être un petit peu l'euthanasie, et puis après on y est. Donc une fois que tous ces petits symboles qui étaient des vestiges de la culture chrétienne auront été évacués, il n'y a plus rien qui, au plan matériel, je veux dire au plan économique, social, opposera en fait les électeurs de Fillon de voter Macron. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2017, et c'est ce qui va se reproduire. Donc quand vous arrivez, vous dites « ouais, l'union des droites, etc. », vous ne pouvez pas faire l'union des droites, puisque... C'est mort. C'est mort. Il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde. Vous pouvez peut-être, ce que vous pouvez faire, vous pouvez récupérer une partie, une toute petite partie de l'ancien électorat de droite conventionnel, on va dire, qui est plus patriote, on va dire, voilà, ça peut être des chefs d'entreprise. Récupérer la partie qui n'a pas de blé. Ça dépend, parce qu'il y a des gens qui peuvent être des chefs d'entreprise qui sont assez patriotes, oui, sensibles aux questions, mais ça n'est pas... C'est une fraction minoritaire. Ce n'est pas du tout représentatif de la bourgeoisie de droite en général qui est totalement ralliée. Moi, je me rappelle, bon, j'en finis peut-être, mais j'avais vu ça à l'occasion de je ne sais plus quelle élection. C'est une élection assez récente, hein, il y a deux ans. Mais c'était un peu après vraiment la crise dure des Gilets jaunes. Je crois que c'était à Neuilly. On interrogeait une vieille, donc vraiment un bastion dur LR. Et la personne avait pratiquement 80 ans. Elle était en train de vitupérer contre les réactionnaires qui faisaient chier le monde à propos du mariage pour tous, etc. Donc, même dans les bastions LR les plus bourgeois, les questions sociétales, c'est réglé. Ces gens-là sont totalement ralliés à l'idéologie libertaire des macronistes, des écologistes ou des socialistes. Il n'y a plus de raison religieuse, donc de valeur, pour s'opposer là-dessus, entre eux. Donc ça, c'est réglé. Et donc, le problème de la base, on va se dire, bon, d'accord, la bourgeoisie s'unifie, mais est-ce que les catégories plus populaires vont s'unifier? Et c'est là tout le problème. Et c'est pour ça que Macron gagne à chaque fois. C'est que l'électorat de Mélenchon a beau avoir un réflexe dans une certaine mesure populiste, parce qu'en fait, c'est des petits fonctionnaires qui ont peur d'avoir des coupes dans les budgets, mais ils sont consubstantiellement antiracistes, antifascistes. Donc leur antiracisme les condamne à l'impuissance politique. Parce que la seule option qu'ils ont, ce serait de tendre la main à Marine Le Pen, en fait, au plan électoral, pour faire une majorité, quoi. Et ça ne peut pas se passer, pour des raisons de valeur. Donc en fait, les deux blocs populistes se neutralisent mutuellement. Donc les macronistes vont systématiquement gagner au second tour. Vous voyez, sauf miracle, je sais pas, un choc comme il pourrait y avoir au plan économique majeur et qui bouleverse tout, si vous voulez. Bon, à ce moment-là, on pourrait peut-être se dire qu'il va se passer des trucs, mais voilà. Il faudra un déclassement massif, si vous voulez, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il faudrait que les classes moyennes soient massivement déclassées très rapidement pour rejoindre le vote protestataire dur. Et actuellement, ils n'en sont pas encore là, ils sont encore dans l'idée de rester accrochés à la partie dominante de la population qui vote Macron. Donc voilà, donc on est dans une dynamique d'implosion complète. D'implosion complète. Et donc il faut regarder en fait l'infrastructure, donc les sous-bassements de la société française, dans ce cas-là racial, culturel, économique, pour comprendre ce qui se passe dans la superstructure, c'est-à-dire le politique, les élections, le gouvernement. Et quand vous les voyez défoncer des gilets jaunes, même quand c'est des gauchistes, c'est avant tout parce que, quand vous vous intéressez aussi au plan électoral, à ce qu'ils représentent, ils restent malgré tout minoritaires. Les macronistes sont structurellement minoritaires. Donc ils gagnent au second tour simplement grâce au péril, grâce à l'antifascisme, quoi. Voilà, c'est ça qui les fait gagner, mais sinon, au premier tour, ils pèsent un quart de l'électorat. Donc bon. Donc dans tout ça, bon, je me suis un petit peu égaré, mais quand on regarde la dynamique dans la communauté islamique, Voilà, le futur, c'est non seulement la balkanisation, mais l'extrême radicalisation des millions et des millions et des millions de musulmans et de migrants qui sont présents en France. Voilà, et je vous dis qu'on est au début d'un très très grand bouleversement. Qui est très peu d'ailleurs. Le tout payé par vos, par votre labeur, celui de votre famille, etc. Hein, parce que tout ça, tous ces gens-là prospèrent grassement, surfent sur des vagues d'argent public absolument monumentales. Quelqu'un d'autre veut-il rajouter quelque chose ? Non. D'accord. Ben, monsieur, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.